Ils avaient, ils vendaient les... avant que le train parte là dans la brousse, ils vendaient tout plein de petites bricoles et tout ça. Et tant que toutes les petites bricoles, ils n'étaient pas vendus, le train ne partait pas. Hein. Et donc tous les gens du train devaient faire le service, c'est ça que je dis. Donc, voilà. Et voilà. Les voyageurs devaient descendre pour couper du... ramasser du bois pour la locomotive. Trois semaines de voyage. Bolivie, c'est comme ça. De Bolivie, de Santa Cruz, en Bolivie jusqu'au Brésil, jusqu'à Sao Paulo. Trois semaines de voyage avec un train à vapeur. Et les gens devaient descendre, il n'y avait plus de bois, ils devaient descendre dans la route et en charger. Quand ils avaient coupé le bois, t'as interfacé. Folklorique, c'est complètement dingue. Hors du monde. Tu vas en aide, c'est le même chose. Ça vaut la peine, vraiment. Tu vas en aide, c'est la même chose. Quand on voit, nous, quelqu'un, quand il y a 5 minutes de temps, il est en ping comme ça. Bon, allez. 5 jours de retard, c'est normal. Bon, là. Allez, on va attaquer. Le deuxième CD. On est parti ? Allez. Le principal aujourd'hui, c'est les semis. Vous avez dit, on arrive au mois d'août. Ah ben oui. Il y a beaucoup de semis à faire parce que ça, c'est les semis qui vont vous donner à manger en hiver et au printemps. Donc, il y a beaucoup de choses à ne pas rater. Normalement, en permaculture, il y a à manger, il y a des légumes frais. Toute l'année, le jardin doit être rempli. Toute l'année. Il n'y a pas autant de variétés qu'en été, que maintenant, par exemple. Juillet, août, septembre, ça, c'est les mois. Mais le jardin, il doit être rempli. Il y a beaucoup de légumes qui sont remplis. Donc, vous avez des légumes frais toute l'année. Tout ça pour que la caisse soit remplie à la fin de l'année. Non. Si. Alors, les infos d'abord. Le DVD vient de sortir de Benjamin Hinault, donc le film, plus la BCDR. La BCDR, ça n'avait pas succédé non plus. Donc, c'est un film original, c'est un vrai film. C'est pas un reportage sur le jardin, c'est celui qui a vu le film. Mais bon, c'est vraiment une œuvre d'art, c'est un film. Et tout ce qui n'encadrait pas dans le film, dans l'esprit du film, du réalisateur, il a fait ce qu'ils appellent un ABCDR. Donc la lettre A, le machin, et puis il m'interroge, quoi, il fait j'en ai marre. Le deuxième truc est plus politique, syndical, philosophique que jardinier, mais c'est toujours... Bon, on sait bien que tout est relié, hein, tout est bien ensemble, mais c'est plus un truc personnel. Il n'y a pas à être choqué. Je veux dire, bon, je suis un ancien délégué CGT en France, donc pas, ce que je dis, c'est pas piquer des verres. Ça fait, on n'est pas obligé d'être d'accord, hein, parce que le monde deviendrait triste si tout le monde était d'accord. C'est impossible de vivre, hein, il faut vraiment... C'est ça qui fait la confrontation, c'est ça qui fait la bonheur. Donc je dis ce que je pense, mais les gens peuvent aussi répliquer. Comme à La Réunion d'ailleurs, hein, je répète tout de suite, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez un avis différent, il faut y aller, hein, c'est comme ça. Hein. L'organisation aussi, les fraternités ouvrières, c'est un mouvement de promotion sociale pour aider la citoyenneté. Donc c'est sûrement pas pour faire des boutons. Hein. Donc c'est pour des gens, de plus en plus des gens autonomes et tout ça, qui savent dire non et tout ça. Ouais. On va commencer à apprendre à dire non dans les écoles. Il paraît. Jusqu'à maintenant, c'est toujours oui, il faut se taire et c'est toujours approuvé. Maintenant, ils commencent peut-être à parler un petit peu. Et ils sont plutôt sans rondognon. Il paraît qu'il y a certains classes qu'on pourra dire non. Donc, c'est quand même une révolution incroyable, mais il est temps, hein, pour faire des citoyens bêtes et méchants. C'est ça un peu l'esprit de l'ABCDR, là, voilà. Il est en vente là-bas, à 4 euros. Et c'est pour aider le cinéaste. Celui qui fait ça, le cinéaste ne fait que ça. Par exemple, maintenant, il fait des films, enfin, je veux dire, original. Maintenant, toute la lutte pour éviter un barrage en Wallonie. Et ces gens, ils ont gagné. Ils voulaient faire là-bas, dans les Ardennes, un énorme barrage et tout bazar. Les gens du village, les paysans, ont lutté pendant plusieurs années et ils ont gagné. Le projet n'a pas eu lieu. Et le cinéaste est parti là-bas pour montrer toute la lutte et tout ce qui s'était passé. Donc, il vit avec ça. Donc, l'argent pour les 4 euros, c'est déjà pas très cher. Et c'est pour lui. C'est pour continuer à faire ce genre de boulot. C'est un intermittent. Il gagne quasiment rien. Et, il vit comme ça. Mais c'est sa vie. Ça, c'est une vraie vie, quand même. Hein. Ah, c'est vrai, voilà, c'est ça. Alors, feuille de commande fourniture et fruitiers. Feuille de commande avec les fournitures, c'est les engrais, les algues marines, tout ça. Les feuilles, ils sont sur la table là-bas. Il faut regarder, celui qui veut ça. Hein, le terreau, les engrais, les algues marines. Les fruitiers aussi. Donc celui qui veut, on fait une fois par an les commandes de fourniture, une fois par an les commandes de fruitiers, ça a des dates différentes. Donc c'est pas là aussi avec les dates, il y a des limites. Et il faut absolument venir le jour lui est indiqué. Hein. Parce que sinon, moi je ne sais pas stocker, vous voyez bien. Donc surtout, bien regarder les limites pour les fruitiers, c'est déjà début septembre. Hein, pas début. Le 15 ou quelque chose comme ça. Enfin, donc, il ne faut pas remettre... Formulaire de commande 25 septembre. Oui, oui. 25 septembre, au plus tard. Mais il faut absolument venir le jour, là, hein, parce que sinon, c'est impossible. Ouais. Hein, bon. Il y a plusieurs camions qui viennent, toute la rue, elle est remplie, ils déchargent sur la rue. Enfin, le soir, ça doit être parti, hein, sinon, je ne sais pas où... Je n'ai déjà pas stocké les gens, vous voyez bien que c'est l'idée. Hein. Donc, c'est plus mettre des arbres en plus. Hein. Et donc, pour récupérer les arbres, c'est le 8 novembre, un samedi. Et puis pour les algues et tout, ça c'est le samedi 18 octobre. Bon, on va faire passer les feuilles pour ceux qui veulent prendre... Mais sinon, celui qui s'est intéressé, il y a les feuilles là-bas. Ah oui, mais bon. Alors, pour aller vite, les portes ouvertes. Voilà. Il y a deux fois des portes ouvertes, organisées par la ville de Mouclon, de 9h à 18h. Le 24 août, organisé par nous, ici, le dimanche 31 août. Alors, conférence débat. Il y a deux conférences débat déjà prévues pour les produits d'entretien, le vendredi 26 septembre. Donc ça, c'est de 17h30 à 19h. Et le vendredi 24 octobre, sur les huiles essentielles. Donc tous les mois, on fait une conférence sur des sujets demandés par les gens. Vous pouvez d'ailleurs dire, moi, je serais intéressé par... par exemple, il était prévu, par exemple, où mettre mes sous. C'est très intéressant, mais tous les banques et tout, qu'est-ce qu'on fait avec nos sous, tout ça. Et il est en train de, en Belgique, il est en train de se faire une coopérative, une nouvelle banque coopérative, je ne sais pas si ça va marcher. La nouvelle économie fraternelle. Je ne sais pas comment ça va faire. Mais... Non, Belgique. La NEF, c'est européenne. Et donc, sitôt qu'on sait quoi, on va dire, mais enfin, c'est pour que les gens, voilà. Donc, ça peut être tous les sujets, hein, les sujets de société, n'importe quoi. Et si quelqu'un a un sujet à apporter et qu'il est compétent, qu'il nous le dit, ça nous intéresse fort d'avoir des gens. Il suffit de programmer, de dire à l'avance pour qu'on programme. Donc ça fait une fois par mois, sauf en vacances, une conférence comme ça. Alors on fait des soirées festives aussi, deux fois par an, en principe deux fois par an, mais ça peut être plus aussi, mais enfin, jusqu'à maintenant deux fois par an. La prochaine, c'est le samedi 25 octobre à 19h, c'est la musique latino. Donc la dernière fois c'était la musique irlandaise, ici c'est la musique, toujours avec des groupes, des gens du coin. Donc c'est pas musique platine, hein. C'est musique avec des gens. Oh, mais ça fait une différence extraordinaire, hein, énorme. Hein. Quand des gens sont là qui jouent, qui s'amusent avec nous, ça fait une ambiance, c'est extraordinaire. Hein, ouais. C'est pas la même chose que des mecs qui font tourner les platines. Hein, et quand ils sont un petit peu bourrés, ce qui arrive souvent, la platine elle va plus ou moins vite. Ça fait partie du charme, hein, mais ouais, c'est pas la même chose. Hein. Alors, voilà. Porte ouverte à Albeck aussi. Alors, maintenant, les portes ouvertes, le principal, j'ai laissé pour la fin. Cet après-midi, c'est la fête des jardiniers, la fête à Albeck. Albeck, c'est un jardin communautaire qu'on a commencé il y a 26 ou 27 ans. Enfin, quand j'étais liquidé à mon usine, restructuration, quand j'étais liquidé, mon camarade là-bas, il y avait un grand terrain, il a crié au secours, et puis on a commencé, donc il y a 25-27 ans. Et là, maintenant, on est à 7 familles là-bas, il y a 6500 m² en permaculture. Mais c'est plus genre maraîcher ou jardin communautaire, des gens qui se mettent ensemble. Mais on fait tout ensemble, hein. Donc 6500, il y a un cadre formidable. Hein. Donc c'est des, vous allez voir, des fruitiers, des légumes en profusion, c'est même extraordinaire. Vous allez voir, jamais aucun poison, jamais aucune, rien. Il y a même c'est jeudi passé, un maraîcher qui a été là... qui n'en revenait pas, parce que lui, il pulvérise ses arbres et tout ça, il y a beaucoup de difficultés. Là, vous allez voir, celui qui va là, vous allez voir, les branches, ils cassent, ils coulent sur le poids des fruits. Il n'y a jamais eu aucun traitement, comme ici d'ailleurs, aucun traitement depuis 25 ans, ici, depuis 40 ans. Et donc, donc, c'est pour dire qu'on peut, il y en a qui pensent qu'on ne peut pas se passer de traitement de tout ça, c'est pas vrai, c'est juste le contraire. Au moins, on se passe de traitement, il faut un peu de patience. Là, les premières années, le temps que la terre vient risque à l'équilibre, mais après c'est extraordinaire, il n'y a pas de boulot, ça porte. Donc c'est là-bas, le plan est sur la table là-bas pour y arriver, donc c'est à 4 km d'ici, c'est pas loin, mais c'est au milieu des champs, hein. Enfin je veux dire là on est au milieu des champs, et donc c'est à partir de 2h, les gens qui viennent de loin peuvent aller d'ailleurs après la réunion, ils peuvent aller manger, pique-niquer là-bas, faire comme ils veulent. Hein. Voilà. Et donc c'est le principe de l'auberge espagnole. Il y a deux parties en somme. La première partie, c'est les tartes, les gâteaux, le vin, donc que chacun la main, hein, et qu'on partage. Et puis il y a la soirée où les gens aussi, on mange ce que les gens amènent, le souper. Et entre deux, donc on peut faire visiter, on visite le jardin, là, les gens visitent le voyage, et entre deux, j'espère, parce qu'il s'est annoncé, des gens qui vont jouer de l'accordéon, qui vont chanter, qui vont jouer de la trompette, qui vont avoir tout plein d'animation. Hein, mais rien que celui qui n'a jamais vu quand même, surtout intéressant pour les gens qui veulent faire des jardins communautaires. Travailler à plusieurs sur un jardin, là c'est un exemple extraordinaire de production maximum. On a des petites autos pour amener ce qu'on a. Maintenant, c'est avec des camions qu'il faudrait. Mais on a un problème avec la Flandre, parce que les Flamands n'aiment pas beaucoup que c'est situé sur Flandre. Hein, et qu'on exporte comme ça des camions de légumes vers la Wallonie. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas besoin de passeport pour y aller. Hein, je dis, hein, ça va peut-être venir. Hein, mais jusqu'à maintenant, on peut y aller là. Donc le plan est là-bas. Tout le monde est bienvenu. Hein, tout le monde est bienvenu. Même celui qui n'a pas prévu, il est bienvenu. C'est après-midi, à partir de 2h. Cet après-midi. C'est gratuit, je veux dire. On partage tout ce que les gens viennent, mais il y a un bar avec de la bière artisanale. Donc, là, ça, c'est payant. Donc, c'est pas cher non plus, c'est le prix coulant des bières bio, des bonnes bières bio. C'est jusque quelle heure? Pardon ? Jusqu'à extinction des feux. Pardon, voilà. Quand il n'y a plus de guerre. Et comme on n'a pas de feu là-bas. Mais chacun vient quand il veut, il part quand il veut. Hein. Mais c'est quand il fait bon, généralement, c'est jusqu'à 10h du soir. Parce que quand il fait bon là-bas, le cadre, c'est magnifique. Il y a de l'eau, il y a des temps, c'est formidable. Donc on n'a plus envie de partir une fois qu'on est là. Donc c'est juste que. Parce qu'en ce cas, plus il y a à boire, plus il y a à manger, normalement. Tant qu'il y a à boire, à manger, il y a des gens qui s'accrochent, hein, toujours. C'est bien, hein, pas de gaspillage. Hein, Il y a des camions de légumes, hein, t'as dit. Oui, des camions. On peut manger sur place. S'il y a des questions, c'est le moment. Hein. Non, donc vous êtes tous les bienvenus là-bas, tant mieux, c'est bien. Ouais. C'est ouvert d'autres dates journée porte ouverte le premier dimanche de septembre. L'après-midi aussi. L'après-midi, oui. Le premier dimanche de septembre. Oui. C'est tout? Plus de questions là-dessus, non? Parler des fleurs. Oui, vas-y. Donc, pour la réunion des fleurs, donc une fois par mois, le vent, en principe, donc les dates sont là. Hein. En principe, c'est toujours le vendredi qui suit le deuxième dimanche du mois. On fait une réunion sur tout ce qui est ornemental. Ici, au mois de septembre, comme au mois de juin d'ailleurs, il n'y aura pas de réunion, exceptionnellement, mais on fera une visite. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il faut qu'ils me demandent des explications que je n'ai pas encore, je les aurai ce soir. Parce que c'est Annie qui organise et je l'ai vu 2 minutes tout à l'heure, donc elle a dit ok, on partira. C'est le 13, le samedi 13, et ça ne sera pas un vendredi, mais ça sera un samedi parce qu'il y a des gens qui travaillent et comme on part peut-être la journée, tout au moins toute l'après-midi, ça sera peut-être partir déjà au matin cette fois-ci, mais ça, je n'ai pas encore toutes les données. Donc, le 13 du mois de septembre. Normalement, ce sera les ortillonnages qu'on va visiter. Bien. Je ne sais pas. Elle n'avait pas le temps, elle était pressée, elle devait partir. Elle m'a dit, je t'expliquerai tout ça ce soir. L'ortillonnage, si c'est Amiens, l'ortillonnage, c'est formidable. Mais il y en a ailleurs, il paraît. Il y en a ailleurs aussi. Alors, on va commencer. Hein. Avant les semis, quelques petites affaires. Les haricots mangent tout. Et les courgettes, il faut récolter sans arrêt. Parce que si vous arrêtez de récolter, la plante ne fait plus de fleurs et fait plus de fruits. Donc les haricots verts, au plus vous récoltez, au plus ça fait des fleurs et au plus ça continue. La même chose pour les courgettes. Pas les courges et les potirons, hein, parce que les courges et les potirons, eux, ils font le fruit et puis ils grossissent. Mais les courgettes. Donc il ne faut pas. Sinon, les courgettes, alors à un moment donné, si vous arrêtez, les courgettes vont grossir et puis il n'y aura plus de fleurs. La plante ne va plus faire des fleurs. Donc, il faut tirer les courgettes. Assez. Même si vous n'avez pas besoin, il faut les enlever pour que ça continue de... Alors, c'est un usage différent. Hein, les petites, ça peut se manger cru, en salade, enfin, toutes sortes. Mais les grosses, on peut laisser aussi des plus grosses, en faisant attention, selon les variétés, pour farcir au four, avec de la viande ou du riz, ou de, selon les machins, ça peut être bien aussi. Donc, mais je pense que c'est surtout ça en fin de culture, hein, qu'on laisse alors, on récolte plus, on laisse, on laisse pousser très gros. Et il faut laisser alors pousser très gros, le plus possible, parce qu'alors ça conserve, avec un petit peu de chance, les dernières peuvent conserver jusque Noël. À condition qu'on les laisse mûrir, je veux dire, qu'on les laisse venir grosses. Parce que s'ils sont trop jeunes, pas mûrs, la peau est encore fragile, et ils vont pourrir, ils vont moisir avant Noël. Mais si vous les laissez comme ça, alors certains potirons peuvent durer, quand ils sont mûrs, hein, quand on les laisse aller jusqu'au bout, toute la saison, c'est-à-dire jusque Pâques, jusque là. Certains potirons, surtout les potirons, tous au moins un an, s'ils sont mûrs. Donc si on les cueille mûrs, s'ils ont été jusqu'à la maturité. Jusqu'à la maturité, ça veut dire, pour être le plus sûr, jusqu'au premier gel, ou bien juste avant les premiers gels, quand la verdure elle est arrêtée naturellement. Donc on le voit, les feuilles sont, la verdure est arrêtée, bon, il ne va plus. Donc on les range dans un endroit chaud, contrairement à tous les légumes. Donc, pas à la cave ou à un endroit frais, le plus possible autour de 20 degrés. Parce que alors la peau, elle va durcir, elle va, comme une calebasse, elle va durcir, et donc c'est une conserve naturelle formidable. Donc tous les potimarrons, hein, donc le potimarron, minimum un an, certains jusque 3 ans, ils conservent. Et un peu comme les sardines, je veux dire, il y a deux trucs, il y a plus de vitamines après qu'avant. C'est le cas des sardines. Quand on met les sardines en boîte, ils sont plus riches après quelques mois quand on ouvre la boîte que quand on les met dedans. C'est rare, la plupart du temps, ça s'en va. Et les potimarrons. Les potimarrons, donc, restent, continuent d'évoluer, de mûrir à l'intérieur, et donc ils sont plus riches en vitamines, en protéines, il y a des protéines aussi, que quand on les a mis frais. Et donc, mais à condition de les mettre à un endroit chaud. En tout cas, s'il y a moyen, au-dessus de 15 degrés. L'idéal, c'est 20 degrés. C'est comme les humains, la température des humains, et donc ça conserve un an, 2 ans, 3 ans. J'ai toujours un beau gros bleu ouate de l'année passée. De Hubert. Hubert, ma véranda, il est impeccable. Ah ouais, c'est ça. Et alors, il vient de lui, c'est bon. Et donc, c'est pas le même usage, hein. Les potimarrons. On peut faire des soupes avec les potimarrons, par exemple, mais c'est pour faire des soupes sucrées. Généralement, les gens, par ici, n'aiment pas beaucoup les. C'est bon. Une soupe, ça veut dire, c'est plutôt. Donc, c'est surtout pour faire des ratas, des moitié pommes de terre, moitié potimarron, par exemple, les ongles. Raffole de ça, hein, faire comme on appelle, des purées, aussi comme des frites, coupées en frites dans la poêle, comme des frites, c'est délicieux, ou alors en tranches à la poêle, donc des potimarrons. Donc, c'est un goût de châtaigne, hein, donc c'est à utiliser comme ça. Donc, voilà. Et réserver alors les potirons ordinaires. Là, ça convient mieux pour faire la soupe. Je dis ça comme ça, mais c'est des préjugés. Hein. Tout ça, c'est culturellement, ça dépend. Mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui croient qu'avec les potirons, on ne peut faire que de la soupe. Mais c'est pas vrai, il y a tout plein d'usages. Même des tartes, c'est énorme ce qu'on peut faire avec des potimarrons sucrés à goût de châtaigne. C'est incroyable. Hein, ouais. Potimarrons et aussi les courges glands, qu'on appelle. Ça, c'est des petits trucs d'un kilo comme ça qui ressemblent à des gros glands comme ça. C'est aussi très sucré, il y en a qui ont un goût incroyable d'avocat. Ah ouais, vraiment, là aussi, ceux-là. Il faut bien regarder leur catalogue, c'est par catégorie, donc il y en a qui sont vraiment formidables. Hein, comme vous. S'il y a des questions, il faut demander. Hein. Bien sûr, c'est plus à semer maintenant. Hein. Ah non, mais c'est tout pour la récolte. Quoique, sous ce volé dans le jardin du voisin. Et donc, ne récoltez pas trop vite si vous n'avez pas besoin. Hein. Vous pouvez récolter, bien sûr, pour manger frais. Mais les autres, pour conserver, il doit falloir jusqu'au bout. Hein. Il y a même des années, on ne sait pas les conserver parce que le temps n'a pas convenu. Ça arrive, hein, il y a des années que ça arrive. Ils n'ont pas mûri. Et alors, on ne sait pas les conserver. Quoi. Jusqu'à Noël, quand tout va bien, ils pourrissent avant. Parce qu'ils ne sont pas bien. Voilà. Alors, les fleurs, Les premières fleurs, comme sur les cornichons, les petits marrons, les concombres, les premières fleurs, c'est toujours les fleurs mâles. Les fleurs mâles viennent au bout d'une tige. Donc c'est toujours les fleurs mâles qui viennent d'abord, ce qui est logique. Et les melons et tout ça aussi. Donc c'est sur une tige, les fleurs mâles. Et c'est après que viennent les fleurs femelles. Hein, donc voilà, ça c'est... Et on voit déjà d'abord le fruit qui commence, hein, le petit fruit, alors, il y a déjà tout de suite en dessous. Et les fleurs femelles sont, ils n'ont pas de tige. C'est directement sur la tige, ils n'ont pas de haute tige eux-mêmes. Tandis que les fleurs mâles, donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a des années, comme cette année, je pense que quelquefois les tiges mâles, ils sont en retard par rapport aux femelles, ou bien selon le temps, quelquefois il y a des fleurs mâles qui arrivent, et puis les fleurs femelles, ils viennent assez loin. C'est pourquoi, par exemple, pour certaines variétés de melons, hein, on pinçait les bouts, on pinçait pour faire venir plutôt les fleurs femelles. Ça incite à sinon, quelquefois, il y a les fleurs mâles, et puis les fleurs femelles, ils arrivent à 1 mètre ou 2 mètres plus loin dans le temps, donc il faut alors beaucoup d'espace. Et donc, mais je ne recommande pas de pincer, c'est mieux faire le tourniquet. Alors, s'il y a, par exemple, pour les concombres, pour les courges, tout ça. Alors, c'est quoi le tourniquet? C'est, voilà, vous avez votre plante là, et puis elle va courir, elle va... Eh bien, il faut faire, au lieu de pincer, vous faites faire le rond. Mais pour ça, il faut des cavaliers. Hein, donc, vous faites faire le tour comme ça. Voilà. Les courgettes ne courent pas. Hein. Ce qu'on appelle courgettes, ça, c'est, hein, ça prend 1 mètre carré. Ça... Mais les autres, ils courent. Et il faut faire le tour comme ça. On gagne beaucoup de place et ça va bien. Mais il faut des cavaliers. Alors, un cavalier, c'est un... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc comme ça. Là, un fil de fer. On fait n'importe quoi. Bah. Alors, pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, la plante va revenir... va revenir là où l'été, elle va courir normalement, généralement vers le sud, vers le soleil. Elle retourne toujours vers le soleil. Mais comme dans tout, comme dans les humains, c'est pas comme ça évident. Même dans les potirons, il y a des anarchistes. Et au lieu d'aller au sud, ils vont au nord. C'est comme les humains, hein, il y a de tout. Mais dans toutes les plantes, c'est comme ça. Hein, il y a des trucs. Il y a toujours des trucs bizarres. Hein, donc, mais là, ce que je parle, c'est généralité, hein, toujours vers le soleil. Voilà. Des délégués syndicaux. Hein? Des délégués syndicaux. Heureusement qu'il y a des gens différents. Hein, c'est bien, hein, c'est ça qui fait le bonheur. Hein, mais, ouais. Bon, des questions ouais. Ou des gens qui désirent donner une information aussi, ou quelque chose qu'ils ont relevé, qui est bien comme ça, un peu, ouais, il vaut la peine. Oui. Bonjour à tous, moi c'est juste pour signaler qu'il y a des gros sacs tissés en tissu. En tissu, voilà, c'est bien. Donc c'est des grands sacs de costauds, bien pour le. Là. Monsieur le fermier à Dottigny, là, il amène tous les surplus pour recycler, pour le faire, avoir des sacs d'une solidité magnifique, incroyable. Là, voilà. Je me demandais par rapport à cette technique du tourniquet, c'est simplement ouais. Pour gagner de la place. Il n'y a pas de rapport pour stimuler la floraison femelles, simplement pour la place. Non, non, ouais, c'est juste pour gagner de la place parce que il y a des potirons, ils sont pas l'air d'y mettre. Hein. T'es obligé de travailler en couple. Ça dépend quel genre de culture on fait, donc ça peut aller jusqu'à 5 mètres, 10 mètres, les potirons peuvent courir. Mais alors, celui qui a beaucoup de place, enfin beaucoup, qui a la place, pour gagner de la place aussi, même beaucoup de place ou pas beaucoup de place, ça fait rien, il faut déjà un certain nombre de... Il faut adopter alors la culture d'Amérique du Sud, des gens d'Amérique du Sud, c'est-à-dire des haricots à rame en tipi, donc pas hein, des haricots à rame en tipi, simplement pour que la lumière et l'air arrivent autour et partout, c'est aussi simple que ça. Hein. On a adopté par ici une méthode qui... Et c'est Gontier qui a diffusé ça, parce que dans les livres, il est marqué, comme ça, une rangée, et tout. Ce qui fait que d'un côté, il y a trop d'ombre, et quand il y a une tempête, et maintenant il y en a toujours, hein, avant il n'y avait pas de tempête par ici, maintenant 2-3 fois par an, des vents violents, oh ben, tous les haricots à rame, ils se retrouvent chez le voisin, hein, ça prend. Tandis que le tipi, pardon. Tipi, par exemple, à 2 mètres ou 3 mètres, maïs, donc maïs, et entre le tipi des haricots à rame et le maïs, on mettait les courges. Et donc les courges, ils couraient, et puis quand ils arrivaient aux haricots à rame ou au maïs, ils grimpaient dessus. Donc il y avait déjà toute la place en bas, ils grimpaient dessus. Ça, c'est une méthode qui est très recommandée, parce que c'est complètement complémentaire, même au niveau de la santé des gens, hein, haricots, maïs et courges, et aussi au niveau des maladies, tout ça, c'est une culture qu'il faut le faire. On l'a fait plusieurs fois, avec ça. Vraiment, ça marche bien. C'est quelque chose à recommander. Gilbert. Est-ce qu'il est encore temps, par exemple, de mettre... Moi, j'ai de l'engrais liquide par mon vermicompost, là. Ben si, qu'on avait vu une fois. On peut en mettre tout l'été, en arrosage, pour fortifier le bas des potirons. Ça dépend des situations. Des légumes. Ouais, ça dépend des situations. Pour les... Il faut beaucoup d'amendements pour les potirons. Non, normalement, oui. Pas les haricots. Hein. Non, mais les potirons. Normalement. Les potirons, c'est là où elles poussent mieux, c'est sur un monde fumé. Ou un monde compost. Oui. Quand vous avez des graines, par exemple, vous mettez et qu'il y a un potiron qui pousse sur un monde fumé et un monde compost, c'est magnifique les fruits qu'il y a. Bordel. Donc il faut une terre très riche. Mais en cours de route, une fois que c'est parti, il faut faire attention. Parce que ce qui peut se passer, si c'est trop riche en azote, par exemple, c'est que ça ne fait pas de fleurs femelles. Ou que les fleurs femelles sont très loin. Oui, ou bien alors, ça retarde les fleurs mâles. Tout en végétation, c'est même qu'un arbre qui a trop d'azote, qui est trop riche, fait du bois, des feuilles et tout ça, et pas de fleurs et pas de fruits. Donc, pour les légumes, ça peut se passer. Donc, c'est difficile à dire. Et beaucoup de pucerons, parfois, aussi. Ça déclenche des maladies, et très sensibles aux maladies, à champignons et aux pucerons, parce que les pucerons ont bien une sève azotée très liquide, et donc ça occasionne tout plein de trucs. Mais ça, c'est à voir, c'est à sentir, je veux dire. Mais il faut demander, hein. La première affaire, c'est apprendre le langage le langage potiron, hein, demander. Quand il y a quelque chose qui se passe, on se met devant, on attend. Et souvent, ça se passe. Hein, vous restez tranquille. C'est ça qui est difficile. Vous restez tranquille 5 minutes. Ça, c'est difficile. Hein. Je te mets en face, t'attends, te fais le vide, là, t'attends, te regarde. Et souvent, les idées viennent comme ça, de ce qu'il faut faire. Mais quand t'agis trop vite, ça, c'est bon. J'ai vu un film à la télé terrible là-dessus, comme pour l'inspiration. Le film de Beauville, La drôle de paroissien. Là. Les aristos qui veulent vivre, ils ne peuvent pas travailler. C'est interdit, mais ils doivent vivre. Alors, il va dans une église, Beauville, et il prie Dieu, comment je vais faire, comment on est au bout, notre famille, il n'y a plus rien, et tout à coup, et donc il est dans le calme et tout, et tout à coup, il entend des gens qui mettent des sous dans les troncs. Merci Seigneur, j'ai compris. Alors, il va vider les troncs. Il sa famille, voilà l'inspiration, il faut le calme. Et le concombre aussi, il se canalise de la même façon en rond, parce qu'ils s'étalent aussi, le concombre. Ah non, là, les concombres, pour diminuer leur... et avoir un maximum pour diminuer leur ardeur, c'est les faire grimper. Ouais. Ah ouais, donc... Ramper, là, ils occupent beaucoup de place. Ah ouais, ils vont loin. Tandis que vous les faites grimper, les melons aussi, si vous les faites grimper, il n'y a pas de taille, il n'y a pas besoin de tailler ni rien, ça freine, leur vigueur, leur taux de vigueur. Et ça donne... Les fruits qui pendent bien, ça c'est l'idéal, c'est les faire grimper. Là vous gagnez beaucoup de place, là, bien sûr. Hein. Concombre, les melons, et ça va bien. Il y a pas, ça c'est l'idéal. Et les concombres, il faut les cueillir à partir de quelle... Pardon ? Il ne faut pas tailler. Non, il ne faut pas tailler. Cueillir. Quand ils sont à taille, de manger. Attends, j'ai pas compris. Comme les petits pois. Les pois à maturité de 2,5 kg, on peut les faire grimper aussi. Les quoi ? Les couilles. Les quoi ? Les couches. Ah ouais. Ah mais plus que ça, au moins jusqu'à 5 kilos. Ah ouais, mais plus. Ah ouais, j'en ai eu des gros comme ça qui pendaient, moi, qui grimpaient sur les arbres. Ah ouais, il n'y a pas. Vous mettez pas des filets pour les soutenir ? Non. Non, c'est très costaud. Non, ils ont des vrilles, hein, ils s'accrochent aux arbres. Oh non, c'est très costaud. Non, beaucoup plus qu'un pont. Ah ouais, Ah ouais, c'est vrai. Par exemple, tous les potimarrons, généralement, et les potimarrons comme ça, glands, là, les machins qui font 1 à 2 kilos, ça fait grimper. Pour les petits jardins, pour les places, ou bien au pied des arbres, les faire grimper sur les arbres. Moi, attends, quand je veux, comment je veux dire, faire de l'esbrouf, faire de l'esbrouf avec mes petits-enfants, je vais leur montrer dans mes arbres mes pommes, hein. Je fais croire que c'est des pommes, des potimarrons comme ça. Qui... Je dis, ouais, les papis, qu'est-ce qu'il fait pousser comme pomme? Ils pondent dans les arbres, là. Vous faites l'esbrouf de temps en temps, hein. Les branches sont fragiles. Non. Ah non, non, non, non, non, non, c'est pas facile. Ouais, au départ, mais après, ouais. Non, non, non, après, ça vient. Non, non, disons non. qu'ils s'adaptent aussi. Hein. Ah, ouais. Ils s'adaptent. Non, non, non. Quand ils n'ont pas. C'est comme nous, quand on ne fait pas d'activité, on n'a pas de muscles. Mmh. Eux aussi, quand ils doivent s'accrocher, ils s'accrochent. Ah, oui, ouais. Il faut que la pine, c'est costaud. Hein. C'est... Non, non, non. C'est... Vous mettez. Non, mais quand vous avez des armes, moi, nous, on n'en a pas. Donc, vous mettez quoi? On peut mettre. Quoi, la... Appliquer, on fait, là. La tuteur. Ah non, non, ah non. Non, si vous mettez un tuteur, c'est trop lisse. Non, il faudra alors, au début, mettre des ficelles pour le guider, pour faire tenir. Oui, oui, ça, oui. Pour essayer de mettre un grillage, hein, le long d'un grillage. Et... Pour un grillage, oui, oui. Ouais. Système costaud, oui. Des tuteurs. Costaud, oui. La fil de fer comme là. Des bambous ou bien des... Moi, je recommande à tout le monde d'acheter, ben, c'est le moment quand on achète les arbres, des... Les cannes de Provence. Ah, donc, c'est pas la famille des bambous, c'est la famille des roseaux. Des roseaux. Mais la canne de Provence. C'est avec ça avant qu'on faisait les cannes à pêche. Donc, ça se vend, c'est pas très cher. C'est 3-4 euros, je pense, pour un godet. Un peu plus. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est pas très cher. Donc, vous mettez ça dans le jardin, et alors ça fait des cannes 3, 4, 5 mètres de long. Hein. Vraiment très costaud. Et donc, pour avoir pour les haricots, pour les. Pour avoir des tuteurs, pour toutes sortes de votre jardin, vous avez des tuteurs gratis. Quand on sait quand il faut acheter, qu'est-ce que ça coûte, les tuteurs. Mais il faut 2 ans, 3 ans, pour commencer à avoir des cannes. Après, ça suit, bien sûr. Hein. Vous coupez, ça, tous les ans, vous avez des cannes de... Ah ouais, très costaud, et c'est très joli dans le jardin aussi. Et c'est pas ça, l'avantage par rapport aux bambous. Les bambous, ça... Ça va partout, hein, ça colonise votre jardin, hein, ça va, ça c'était... Et pas les cannes de Provence, les cannes de Provence restent une, autour. Ils grossissent tous les ans, le bouquet, là, mais ça ne coule pas, ça reste sur place. Ça c'est très intéressant, mettre ça, parce qu'après vous avez des tuteurs gratuits pour tout, hein, pour les concombres, pour les tomates, pour les haricots à rame, c'est costaud, hein, voilà, c'est... Non, on faisait des cannes à pêche avant l'apparition du carbone et tout ça. Donc je recommande parce qu'on sait en avoir avec les arbres fruitiers. On a mis ça à esprit parce que ça vaut la peine. Ça s'appelle Arundo Donax dans le catalogue. Arundo Donax, canne de Provence. Tu peux faire où c'est une noisetier. Il y a des vêtements et il y a des colorés, de différentes couleurs. Mais si c'est pour faire des tuteurs et tout ça, il faut choisir les vertes. Je veux dire, pas les colorés. Les colorés sont moins costauds, moins robustes. Les vertes sont vraiment très costauds. Voilà. Sinon, comme décoration, les autres, c'est bien aussi. C'est jaune, c'est enfin, un peu strié. Les couleurs, mais c'est plus fragile. C'est pas aussi costaud. Ouais, alors ? Je vais attaquer le... Ouais. C'est celui, plus personne n'a rien à dire. C'est le moment, hein. Comment est-ce que tu appelles ça, les cannes? Comment est-ce que tu appelles ça pour manger le nom? Arundo. Arundo Donax. Cannes de Provence. Tenir rondelle. Gilbert. Dans la commande avec les arbres fruitiers. Avec les arbres fruitiers. Une fois par an, oui, avec les arbres. C'est 5 euros. 5 euros. C'est 5 euros? Bon, je sais que c'est pas très cher, ça m'a paru pas très cher. Une grande potée, c'est en pot et tout, vous mettez dans votre jardin, et ça pousse bien. Ah, même en mi-ombre aussi, ça va bien. Ça vient 3 à 4 mètres de hauteur. Hein, quand ah ouais. Donc choisissez quand même, pas peut-être juste devant la fenêtre, quoi. Et à l'ombre, au soleil, humide. Ouais, mi-ombre, humide. Soleil ou mi-ombre, ça marche. Ombre totale, ça plutôt pas, non. Ça va, non. Moi, je si gèle à moins 15. Ah non, au nord, les tout ça ne fait rien. Mais il faut de la lumière. Pardon ? Ça ne gèle pas à moins 15. Non, ça ne gèle pas du tout. Non. La perche, non. Le petit marron, oui. Alors, on attaque. Semi-doux. Donc, il ne faut pas hésiter à m'interrompre pour demander des conseils ou des choses si vous ne comprenez pas, pour demander comment on sème, comment on fait, et tout ça. Hein. Bon, alors, on va commencer, il y a toujours deux choses, les urgences. Donc, ce qui est semi-urgent. Urgent, ça veut dire, si possible, le plus vite possible avant le 15 août. Aujourd'hui. Donc, voilà. Ah non, pas aujourd'hui, c'est la fête. Ah oui, aujourd'hui. Ah oui. Ah ben si, par rapport à la fête. Juste avant la fête. Quelques petits trucs avant qui peuvent être utiles. Ne jetez jamais vos restes de bière, de vin, de lait, tout ce qui a fermenté. Parce que souvent, il y a des restes comme ça, où c'est mauvais, c'est fermenté, surtout avec la chaleur, tout ça, du lait, du vin, de la bière, parce que c'est un engrais extraordinaire. Donc, rajouter 10 fois pour être sûr. On pourrait faire comme ça, mais pour ne pas avoir de problème, 10 fois le volume d'eau. Donc, selon le volume que vous avez de lait, de bière, de matière, 10 fois son volume d'eau, et mettez aux plantes, aux herbes, par exemple, les plantes d'appartement ou dehors, par exemple, les potirons et tout. Tous les plantes qui ont besoin d'un supplément, là, d'une petite drogue, là, un petit. Ah ben là, arroser avec ça, c'est formidable. C'est le secret des jardiniers anglais. C'est le secret des jardiniers anglais qui font des concours, vous savez, font des concours de tous les jardiniers anglais. Hein, par exemple, l'oignon. L'oignon, l'année passée, imaginez, combien vous pensez l'oignon qui a gagné l'année passée? Combien de kilos? 5 kilos. 5 kilos et demi. Un oignon, 5 kilos et demi. Hein, donc, un poireau, 3 kilos et demi. Et donc, le secret de tout ça, donc ça, c'était pour faire des concours. Enfin, l'idée est bonne pour retenir, c'est ça. C'est les arroser toutes les semaines, ils arrosent au pied toutes les semaines avec des produits fermentés. Donc vin, bière, café, yaourt, lait, et tous ces trucs. Donc surtout ne jetez jamais vos. Ah ouais, c'est un engrais formidable. Et le meilleur avant ça, c'est l'urine. Pas seulement l'urine des animaux, l'urine humaine, qui contient tous les oligo-éléments qu'il faut. Ça, c'est l'engrais le plus fameux, même mieux que le caca humain, je veux dire. C'est les urines, c'est dans les urines qu'il y a tous les oligo-éléments. Parce que en jardinage, en agriculture, la pousse, c'est toujours basé sur le moindre. Le moindre, ça veut dire, il peut y avoir autant d'azote, autant de phosphate, autant de potasse qu'il y a. Par exemple, s'il n'y a pas de cuivre ou de molybdène, ou bien un petit élément qui a quasiment rien, c'est celui-là qui détermine la pousse. C'est pas l'azote, c'est pas le beaucoup d'engrais qui détermine, c'est l'équilibre, c'est qu'il y a tout. Alors quand il y a tout, bien sûr, ça multiplie, les autres engrais sinon, la plante ne s'est pas absorbée. Donc c'est quelque chose qu'on est à... Une des, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de conneries en agriculture, avant tout plein d'affaires, mais ça, c'est encore une des choses qui est restée, qui s'est confirmée. C'est le moindre qui détermine la grandeur des plantes. Donc il faut. Et c'est dans l'urine qu'il y a le plus. Dans l'urine et dans les algues marines, jusque maintenant. Donc les algues marines, on a déterminé, je pense, 120 oligo-éléments, en dehors du magnésium et du calcaire, et de la chaux, tout plein. Et c'est après dans l'urine. Et dans l'urine qu'il y a des éléments de... D'ailleurs, c'est bête, d'ailleurs, hein, gaspiller comme ça, or, argent, platine, et tout bazar, c'est dans les urines qu'il y a... C'est à l'état de trace. Et tous les jours, on gaspille ça. Alors que, côté en bourse, ça vaudrait cher. Hein, donc, il faut bien connaître. Il faut mettre de l'eau. Oui. Non. Dans l'urine Dilué. Ouais. Donc, et alors, boire, ouais, mais ça, ça, il faut demander à ma femme. Il y a une science médicale qui s'appelle l'urinothérapie. Donc, c'est chaque matin pour certains, il paraît que c'est très, très efficace pour certaines maladies. C'est quelques gouttes de son propre urine, une ou deux gouttes dans sa boisson du matin. Et ça, c'est très, très efficace, c'est pareil pour certains. Mais ça, c'est des affaires de gourou, il faut demander à ma femme. Le quoi? Le quoi? L'urine d'homme, pas de femme. Ah non, sa propre urine. Hein. Non, ah oui. pas pour se soigner soi, pour les plantes. Que c'était que... Bah parce qu'il y a des histoires d'hormones ou je sais pas quoi qui étaient... Homme-femme. Pour les tomates, on a dit. Tu mélanges les deux pépites. Bah ça c'est quelque chose qu'il faudrait encore... On fait pipi tous les deux. Ça c'est quelque chose qu'il faudrait encore... Mais ouais, c'est tous des trucs qui allaient... Mais c'est des trucs qu'il faudrait encore essayer, là, ça vaudrait la peine. Celui qui a le temps ou qui a fait, il y a deux plantes. Et une, il fait avec l'urine d'homme et l'urine de femme. Et... Ouais, ça va. Ouais. Est-ce que ça va déterminer la grandeur du sexe de la plante? Ouais, ça vaut la peine, mais il y a beaucoup d'essais à faire là-dessus. Ça, c'est très riche. Ça vaut un coup. Ouais, là, ça vaut la peine. Ouais. Et les conséquences, après. Parce que moi, je recommande toujours cultiver l'ail des ours. Parce que la population en Wallonie par rapport à la Flandre, on est nettement minoritaire. Et puis là, il y a des ours pour faire le cul, hein, pour repeupler la Wallonie. Hein. Il faut un peu, absolument trouver des plans pour, hein, pour repeupler, hein, pour inciter les gens. Bon, ça, parenthèse. C'est tout. Il n'y a plus. Ouais. Pour l'urine, vous dites qu'il faut couper aussi, c'est 10 fois le volume d'eau, pareil. Non, pour, mettre 10 fois le volume d'eau. C'est-à-dire, il ne faut rien couper. Vous avez un litre d'urine pour ajouter 9 litres ou 10 litres d'eau, pour être sûr qu'il n'y a rien. Et je suis fait, ouais. Sûrement, ce serait moins, hein, mais comme ça, il n'y a pas de danger de brûlure ou de déséquilibre. Voilà, ouais. Et dans les produits aussi, lait et tout ça, vous l'ajoutez, donc vous avez un bon engrais liquide, mais naturel. Et surtout très efficace pour les plantes d'appartement. Ou les plantes que vous cultivez en pot. Même les plantes potagères, un espace restreint. Là, c'est. Ouais, donc c'est très. Là, par exemple, vous rincez vos bouteilles de lait ou vos bouteilles de bière et vous versez l'eau avant potée. Voilà. Sinon, c'est perdu. C'est des petites choses. On ne pense pas. Mais tout ce qui est récupéré, et je vous assure, c'est très, très efficace. Même un petit peu, c'est très efficace. On ne risque pas d'attirer toutes les limaces. Pas les limaces. Ce qu'on peut attirer, c'est si ça, si c'est dans une odeur, ouais, c'est des bébêtes. C'est pour ça qu'il faut. L'intérêt, c'est de diluer, de mettre 10 fois l'eau. Il n'y a plus assez d'odeur. On risque d'attirer les limaces avec la bière, oui. Ouais. On risque. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des limaces très intelligentes et qui viennent quand ils sont au bout de la bière. Là, ils arrivent. Hein, oui. Le sang des femmes aussi, d'émancipation très riche. Ah bah oui, ouais, tout. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, ça, j'aurais jamais osé parler. Bah, ouais. Toutes les plantes qui sont carencées en fer, notamment. Ah bah oui, le sang. Le sang de n'importe des humains ou des animaux, c'est un des engrais les plus riches qu'il y a. Mais à faire avec modération. Modération, oui, très peu. Hein. Sinon, c'est très chargé en azote. Et très, ça donne la pousse, le vert. Mais trop, ça rend fragile par rapport aux puissions, aux maladies à champignons et tout ça. Ouais. Est-ce que c'est bon pour les semis? Ah non. En général, les semis, rien. Tout ce qui est engrais, tout ce qui est. Par exemple, quand vous faites des semis de terreau, ou bien, au niveau des semis, au moins là, c'est riche, au mieux que c'est pour les semis, au début. Jusque 4 semaines, 6 semaines, ça dépend des semis. Non. Tout ce qui est riche, quand vous mettez dans un truc riche, ça contrarie la machine. Parce que chaque semence en elle-même contient, elle, ce qu'il faut pour pousser jusqu'à un certain stade. Si vous mettez trop riche au départ, vous coussicutez, c'est-à-dire que à partir d'un truc faible, terreau, semi-faible, vous mettez alors, vous repiquez après dans une terre riche, hein, dans votre terre normalement elle est plus riche que le machin, là la plante, elle, hein, du faible, elle va au riche, elle s'en va. Si c'est le contraire, il y a une dépression. Donc si vous partez d'un terreau riche ou d'une terre riche qui s'en va lever, et que vous mettez dans une terre, votre terre qui est plus pauvre, la plante, elle fait, au lieu de partir, elle fait une dépression. Après, elle va repartir, mais elle met du temps. Non. Au niveau des semis, ouais, c'est ça. Parce que, faut se méfier, ils vendent maintenant des terreaux enrichis, presque toujours. Hein. Ça, c'est pour gagner beaucoup de fric. Hein. Terreaux enrichis pour telle plante, pour telle. Je ne sais même pas s'il y a pour telle variété, il y a tel terreau. Ça, c'est des attrape-nigauds. Hein. Ouais, pour les gens, ils peuvent s'attraper par toutes sortes de formules. On peut vendre alors très cher des terreaux. Alors que pour les semis, rien. Le terreau. Ou le plus simple possible, sans rien, sans enrichissement, sans rien du tout. Oui, pour semer, pour arroser les semis, j'ai des citernes d'eau de pluie ou l'eau a verdi. Est-ce que ça ne va pas faire courir mes semis? Ah non, au contraire. L'eau verdi, ça veut dire qu'elle s'est chargée d'algues. Ah, ça, oui. C'est très positif, c'est, toujours. Ça ne va pas au contraire. Il faudrait toujours mettre l'eau avec des algues. Pas directement d'un puits, par exemple. Pomper l'eau d'un puits au fait dans des bassines, dans un étang, dans un machin, qu'elle est à l'air et qu'elle devient verte. Et alors, là, il n'y a pas de danger. Non. Mais les semis, on n'arrose jamais par le dessus. Non. Toujours soit sur la terre, soit en dessous des pots. Hein. Ouais. Ou bien au départ, ça, c'est au mois de janvier, février, comment il faut faire les semis. Essayez d'arroser la terre et pas les plantes. Mais normalement, une bonne terre bio, il n'y a pas besoin d'arrosage. Hein. Dehors, rien. Hein. Sauf. Ah ouais. Mais il y a quelques années pour que la terre soit suffisante. Il doit y avoir suffisamment d'humus que pour retenir l'eau. Sinon, après quelques années en bio, normalement, quand on a mis bien, la terre est suffisamment, il ne faut plus arroser du tout. Et au repiquage non plus. Hein, donc, Tous les plantes peuvent être piquées sans eau et tout ça. Les gens ont des visières qu'on plante. Ça. Pourtant, ça marche du tonnerre. Il y a jamais de perte. Au contraire. Hein. Sauf dans les serres. Ah, ouais. Donc, ça marche bien. Hein. Sauf dans la serre. Hein? Sauf en serre, il faut arroser. Ah, ouais. Sauf en serre, il faut arroser. Sinon, dehors, non. Il faut... C'est surprenant. Vous allez... c'est... Les gens ne croient pas parce que c'est difficile. On a toujours, quand on met les plantes, on a arrosé après, on a fait, on a mis. Et maintenant, il y a beaucoup de plantes qui meurent comme ça. Mais sans arrosage, vous allez essayer, vous allez être surpris. Les plantes veulent absolument, un jour ou deux, ils vont être comme ça, bizarre, et après, ils reprennent, ils sont plus costauds, plus résistants aux maladies, aux insectes et tout. Hein, ils ont dû pour survivre, hein, les plantes. Et donc vous avez, on épargne l'eau et on épargne beaucoup de temps, beaucoup de travail et tout. Hein, et ça marche vraiment, c'est très intéressant. Alors, à partir de quel moment on peut continuer à utiliser l'eau? Parce qu'à un moment, il y a beaucoup de bactéries aussi qui se développent dans les eaux, par exemple. Ouais. Ça ne dérange pas? Ah non, au contraire. Non, non. Il faut maximum de biodiversité et maximum de bactéries, maximum de tout. Mm-hmm. Ouais, ouais, ouais, ça non, a non. Été anaérobique, donc 100 heures. Ouais, non, ça fait rien. Non. C'est la terre va rééquilibrer et tout ça. Oui. Ah ouais. Il ne faut pas avoir. Ah ouais, la terre va rééquilibrer. Ah ouais. Le genre des feuilles et tout qui sont restées à l'intérieur d'un étang ou quoi? Est-ce que ça peut servir d'engrais aussi? Ah ouais, ça c'est sûr. Avant, on appelait ça des gadous. Et on vendait même ça. Quand on culait les ruisseaux, quand on culait les lacs, quand on faisait, on vendait, ça s'appelait des gadous, c'était riche. Après, maintenant, c'est devenu dangereux à cause de l'environnement, ça dépend. Enfin, s'il peut y avoir, alors, pollution, hein. Ça, c'est autre chose. Alors, il y a des boues qui sont... toxiques, hein, avec des métaux lourds, avec tout. Mais sinon, la boue, avant, c'était... culer les étangs, c'était un anglais. Donc, des fois, mesdames, les ruisseaux, les étangs. Donc, on est sûr qu'il n'y a pas de métaux lourds, qu'il n'y a pas de montagne. Ah, ouais, la vallée du Nil. Le tout, c'est toujours. On ne sait pas faire de conneries quand on n'enterre rien. Donc, jamais rien enterrer, mettre dans la terre. Donc, tout ce qu'on a, c'est mettre au-dessus et puis laisser faire la nature. La nature, laisser faire la nature, ça veut dire les champignons, les bactéries, les insectes qui vont détruire, qui vont faire. Donc, c'est ça. Ce qu'on peut faire comme conneries, c'est enterrer des produits. Parce que la terre va être toute la vie du sol va être mobilisée pour détruire ce qu'on a enterré. Et donc là, ça peut provoquer des maladies, des machins. Et même les plantes peuvent mourir de manque d'engrais, parce que l'engrais n'est plus disponible, parce que toute la vie du sol est mise pour détruire ce que vous avez enterré. Vous pensez que vous enrichissez le sol, et c'est le contraire. S'il sera enrichi, quand tout sera détruit, un an, deux ans, trois ans après, par exemple pour les fumiers, trois ans, hein, si vous enterrez des fumiers, de la paille, hein, ce qu'on appelle des vrais fumiers, trois ans pour détruire, hein, pour arriver à détruire les fumiers enterrés. Hein, enterrés, hein, alors, ça, pendant ce temps-là, l'engrais n'est pas disponible pour les plantes, parce que, voilà, c'est tout. Mais je vais pas, ça, j'explique ça en hiver, quand on a le temps, un petit peu, les systèmes. Question d'arrosage, quand je suis parti ici en vacances, mon voisin qui me voit, ben, je dis, je pars 15 jours, comment tu vas faire pour arroser ton jardin? Mais je dis, je n'arrose pas. Et lui, pendant des heures et des heures, il arrose. Hein. Moi, je n'arrose pas. Bon, c'est mieux que courir dans le cabaret et tout. Hein, pendant... Et du coup, l'astuce, là, de mettre par exemple, une branche d'ortie au pied des tomates. Ouais, ça, non. C'est... Si, au pied des tomates. Mais pas dans le trou. Mais au-dessus, au pied des tomates, mais pas dans le trou. D'accord, ah ouais. Ben, à un moment donné, on avait fait les essais, ouais. Mais depuis, non, on dit non, c'est pas enterré ni les... Et puis on mettait des lubins. Ça, c'était pour empêcher les nématodes de venir, c'était pour camoufler. Tous les plantes émettent des sécrétions par les racines. Et donc les choux émettent des sécrétions, par exemple, par les racines. Ce qui réveille certains les bébêtes qui provoquent la hernie du chou. Ils se réveillent avec ça. Et on mettait dans le fond du trou des orties ou bien de la rhubarbe pour masquer l'odeur pour que ça ne se réveille pas. Mais ça a un désavantage, c'est que y a beaucoup de choux qui pourrissent et ça empêche quand même pas. Mais au-dessus, ça peut être plus efficace. Les orties, tout ça. Après, ouais. Mais on a toujours dans l'idée qu'on fertilise pour aujourd'hui. Ouais. On doit fertiliser pour dans trois mois ou dans six mois. Dans deux ans. C'est ça la différence avec la permaculture et la bio. Donc souvent, peut-être, les mettre au-dessus et tout ça. Ça ne va pas être efficace l'année où vous mettez ça au-dessus, peut-être. Hein. Mais ça sera efficace dans un an ou dans deux ans, parce que toute la terre, alors, dans la terre, il y aura absolument tout ce qu'il faut, tous les produits et tout ce qu'il faut pour que la plante se défende elle-même. C'est-à-dire tous les engrais, mais aussi la plante, on sait maintenant, les plantes transforment, font, peuvent fait le même leurs antibiotiques que leurs leur propre médicament, leur propre truc, leur propre sécrétion, par exemple, pour se défendre contre les pucerons. Hein, c'est le problème. Dans le DVD, je pense que c'est plus celui qui a les girafes là, dans l'Afrique. Là. Et par ici, tous les plantes, ça, hein, comme ça. Hein, les plantes fabriquent leurs propres toxines pour se défendre hein, quand ils sont attaqués et tout ça. Et voilà. Mais pour ça, il faut que la tienne arrête d'abord d'être agressée. Insecticides, herbicides qui neutralisent tout ça, ou bien même la bouillie baudelaise hein, ou le soufre, hein, tout ce qu'on met là neutralise les défenses de la plante, neutralise les je veux dire, il y a 98% des champignons qui sont favorables, et peut-être 2%, peut-être 2% qui provoquent des maladies. Mais donc il ne faut pas neutraliser les 2% qui les 98% pour quand il y a une maladie, vous détruisez la première défense de la plante, vous neutralisez. Il n'y a aucun produit au monde qui tue les champignons, mais ça peut les neutraliser, les empêcher de se reproduire à un moment donné et tout ça. Mais ça, c'est pas la solution. Hein. La solution, c'est qu'il y ait tous ces champignons et tout ça dans la terre et tous ces machins et que la plante peut se défendre même, c'est tout. Ouais, une biodiversité. Et puis accepter, refuser la. Je veux dire, on pourrait appeler ça au niveau humain, on dirait la pureté, comme on pourrait dire la pureté raciale ou la perfection. Il ne faut pas tomber là-dedans. Mais aussi refuser la pureté, c'est-à-dire, je veux récolter, j'ai mis 100 choux, j'ai mis 100 laitues, j'ai machin, et je dois récolter 100. Non, hein, ça c'est. Donc, il y a un partage avec. On sait que là-dedans, il y aura, je ne sais pas moi, je veux dire, 1%, 2%, jusqu'à 10% d'attaquer des malades, hein, tout ça, par les pucerons, par toutes sortes d'affaires, hein, les insectes et tout ça. Bon, ça fait partie. Mais quand t'es 90%, je trouve que sans rien faire, c'est extraordinaire quand même. Hein. Il n'y a pas à s'en faire, mais c'est là dans la tête. Hein, voilà. Donc il faut accepter, ce n'est pas des déprédations, c'est du partage avec la nature. Hein. Il n'y aurait plus de pucerons, il n'y aurait plus de coccinelles, il n'y aurait plus de chenilles, il n'y aurait plus d'oiseaux. Donc c'est à l'heure de vouloir détruire tout. D'ailleurs, c'est tellement à l'heure qu'on n'arrive plus. C'est un peu comme les antibiotiques. On va tellement loin dans cette médecine-là que maintenant, il y a des maladies qui... Les antibiotiques sont tout à fait inefficaces. Ils se trouvent devant un mur. On ne sait plus faire des antibiotiques assez forts pour neutraliser. Et donc la nature, c'est même... Donc il y a toujours des résistants dans tous les insectes, dans tous les bazars. Donc on ne sait pas détruire jamais 100%. Mais ceux qui restent, ils sont résistants. Et après, t'atteins. Hein. D'ailleurs, il y a quelquefois des bonnes choses. Aux États-Unis, maintenant, je dis des bonnes choses. Pour les gens, c'est pas gay. Mais je veux dire, la nature, quelquefois, se venge. Donc, aux États-Unis, herbicides, un soja et tout, c'est compliqué. Mais maintenant, il y a un chénopode, c'est un chénopode ou une amarante, qui pousse et qui n'est pas détruit par aucun herbicide. Hein. Et donc, on voit les champs de soja, de banane, et voilà. Donc, c'est un peu la revanche de la nature. Je veux dire, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que on peut payer autant de... Ça ne marche plus, il faut trouver autre chose. Hein, ça ne va plus. Voilà. J'ai un pied de bourrache qui a poussé un pied de tomate. Pardon ? J'ai un pied de bourrache qui a poussé avec un pied de tomate. C'est bien. Oui, il y a des pieds de tomate qui poussent dans mon jardin quand il fait bon. Les semis, dans ma serre, c'est des tapis complets de tomates qui poussent. Mais souvent, c'est trop tard. Mais pas toujours. Faut faire attention. Les semis spontanés, par exemple, de tomates qui poussent maintenant, hein, des tomates de l'année passée, poulies qui sont tombées. Il faut garder ces plants-là, parce que ça, c'est des tomates que vous allez manger à Noël. Ah ouais. Ouais. C'est costaud, hein. Ah ouais, hein, il reste dur. Oh, je ne parle pas dehors à Noël, hein, mais dans les serres froides. Hein. Jusque Noël, que vous avez ces plantes tardives. Ou bien alors, les tomates de maintenant que vous avez, il y a des gourmands. Enfin, on va pas entrer dans les détails. Il y a beaucoup de manières de faire pousser des tomates différentes. Hein, on n'est pas obligé de tailler, il y a tout plein de machins. Mais... Si vous voulez des tomates, par exemple, à Noël, les gourmands des tomates maintenant, donc l'entre-deux, là, hein, un bon gourmand, vous cassez ça et vous repiquez ça comme un bégonia, comme un géranium. Vous repiquez ça et donc vous faites une bouture. Une bouture avec ces trucs-là. Et donc maintenant, et vous allez avoir des tomates jusqu'à Noël, dans le serre. Dans la serre. Dans la serre, oui. Oui, parce qu'ils vont... La bouture, maintenant, on est au mois d'août, donc c'est froid, donc ils vont être tard. Donc vous aurez des tomates. À la limite, dans un pot. Hein, et ouais, après, ouais, ouais. Après, vous la rentrez devant. Donc, la tomate, les boutures des tomates. Même en hiver, quand tu joues avec elle, la neige, ça va bien. C'est costaud. Oui. Les fleurs, on les laisse venir jusqu'à quelle date? On peut les laisser, ça ne gêne pas. Si la terre est riche, ça va s'arrêter de soi-même. Ouais, ouais. Parce que le problème, c'est que au moins qu'on touche, au mieux que c'est. Parce que chaque fois qu'on touche, on fait une blessure et on risque la maladie. Hein. Chaque fois qu'il y a une coupe, une blessure, on risque la maladie. Donc, touchez-moi. Mais dans les serres, on est bien obligé parce que quelquefois, on n'a pas de grandes serres. Je dis comme à Laken, hein, les serres royales, hein, que les tomates peuvent arriver en haut. Et donc, ça touche le. Bon, ben, on pince, on limite. Mais je veux dire. Il faut faire chaque fois attention. Chaque fois qu'on crée une blessure, ça peut être l'ouverture à une maladie. Ouais. Moins, dehors, oui, il y a plus de risques dehors. À l'intérieur, il y a moins de risques. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc, quand on n'arrose pas, les plantes par au-dessus. Hein. Faut surtout pas, si on veut des tomates, il ne faut surtout pas arroser le feuillage. Il hein, faut arroser que le. Mettre de l'eau au bas, hein, pas les feuilles. Hein, bah, ouais. Pour les tomates de Noël. Moi, j'ai des pieds qui, comme tous les ans, poussent dans mes bacs, sur mon balcon. Et donc là, j'en ai, mais ils sont comme ça, quoi. Donc, ils n'ont pas encore fait de fleurs. La floraison et la pollinisation se fait jusqu'à quand? Tant qu'il fait bon. Au moins jusqu'au 15 septembre. D'accord. Ah ouais, au moins. Après, tant qu'il fait bon. Généralement, on a des beaux automnes. Et donc, mais en tout cas, jusqu'au 15 septembre, aussi. Ok. Donc après, on les rend. Et le fruit continue à pousser. Ah oui, oui, oui, oui. Bah, on les rentre quand les températures y baissent. Oui, c'est ça, oui, oui. Ouais. C'est à partir de combien de... Ah, 8, je vais dire 8. D'accord. Oui, oui, oui. 8 la nuit. Oui, oui, oui, oui. Ouais. Quand la température... Oui, ouais, 8 la nuit, ouais. Oui. Quand la température descend en dessous de 8, oui. Au-dessus de 8, les tomates, ils poussent encore. En dessous de 8, ils arrêtent de pousser. En dessous de 5, ils commencent à mouler. Voilà. Donner une idée. Hein. Et ouais. J'allais qu'on dit une bêtise, mais enfin, pour accélérer la mise à fruit, la mise à feu, faut aller caresser un petit peu la tomate. Elle a besoin d'amour. Elle a besoin d'amour, de tendresse, elle a besoin d'aller caresser. C'est une pomme d'amour. Hein. Ouais, ouais. Et souvent, ça marche. Hein. Mais je ne sais pas si c'est à cause de vous, mais souvent ça marche, alors on est content, hein, même si c'est pas nous. Hein, caresse et puis ça va bien. Puis, voilà. Mais ça a une influence. Mais ça, c'est pour les jours d'hiver. Je vais expliquer toutes ces conneries. Hein, bon, allez, urgent. Là, urgent. Encore on attaque. Donc les semis urgents. Hein. Haricots nains mangent tout. Donc on peut encore semer. Des haricots nains mangent tout. À condition qu'on ait le matériel pour protéger en fin de culture. Ah, d'accord. Donc ça dépend de l'automne, généralement dans des beaux automnes, mais donc on peut qu'on fait maintenant, à condition qu'on a par exemple des voiles de forçage ou un tunnel ou n'importe quoi, mais un voile de forçage ça va bien, parce que les températures descendent, les haricots on voit que la couleur qui était un beau vert tendre ou un beau vert franc devient un vert un petit peu jaunâtre, on met un tulle, un voile de forçage, quelque chose, et puis ça va. Donc les semis de maintenant, on peut encore récolter des haricots verts, mange tout. Plus les autres haricots, hein, plus les haricots à grains ou les haricots là. Mais haricots nains mange tout. Haricots à rame, c'est trop tard aussi. Hein. Donc haricots nains mange tout, il y a encore moyen maintenant de faire. Les haricots se mettent dans une serre aussi. Ah, et dans une serre. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est parce que généralement maintenant, la serre, elle est remplie de tout. Mais sinon, ouais. Mais c'est maintenant. S'il y a de la place maintenant dans les serres, oui, ça c'est... Quand on a des tomates buissons, c'est parfois possible de combiner. Oui, entre deux, s'il y a de la place. Donc en serre, là, ça va très bien. Ah ouais. Allez, qu'on est en serre, ça vous êtes sûr d'avoir des... Donc on fait germer en poquet, puis après on va le repiquer. Par exemple, oui, ou bien directement, en plein terre, plein terre dans la serre, dans une serre froide. Dans une serre froide, ou bien dans un coffre. Hein. Coffre aussi peut servir, hein. Un coffre, ce qu'on appelle un coffre, c'est une couche. Donc, un coffre, c'est un. Ça dit bien son nom. Hein. C'est en bois, en béton ou en plastique. Moi, j'utilise le plastique ondulé, là, recyclé. Donc, je fais dans le jardin. Donc, il y a des coffres hein, qui sont. Donc, il y a la terre hein, légèrement au-dessus. pour que ça réussisse mieux, que l'eau ne reste pas. Donc dans ces coffres, là, ça permet de mettre des voiles ou bien du plastique qu'on recycle, quand le temps on déglingue et tout ça, et pour l'hiver, on met dessus. Et donc on a des caves naturelles. Ça sert beaucoup des coffres. Et ça, ça ne coûte pas cher, c'est pas beaucoup d'entretien. C'est juste fait, ça veut faire ça avec du... n'importe qui, du bois. Qu'est-ce qu'il y a comme plastique ondulé, là, de serre recyclé, hein, hein, quand ça devient noir, quand c'est plus possible. Mais là, pour faire tous des trucs comme ça, c'est formidable. Hein, donc, et là, vraiment, ça coûte pas cher. Et, ça, et pour les premiers semis aussi, au printemps, déjà février-mars, la terre est légèrement surélevée, vous mettez un plastique dessus, pour tout ça, et puis vous, les premiers semis de carottes, de laitue, là-dedans, c'est du tonnerre. Donc on n'a pas besoin nécessairement une grande. Après, quand il fait bon, on enlève et ça devient comme le reste. Donc ça, c'est très utile, des petits moyens, et qu'on peut faire même dans les petits jardins et tout ça. Ça va très, très bien, ça, ouais. Voilà. Ouais, non. Alors, les haricots, et même ceux qui sont là maintenant, hein, aiment bien les algues. Hein. Pas oublier. Hein. Ça empêche les pucerons. Les haricots et les choux ont toujours besoin d'un supplément de calcaire, de chaud. Hein, de chaud. Un bien le pH au-dessus de 7. Ça veut dire 0 à 7, c'est acide. 7 à 14, c'est alcalin. Acide. Donc le chou, haricot, un bien, toujours un supplément au-dessus de 7. Mais dans un jardin, un bon terre bio, c'est toujours entre 6,5 et 7. C'est là qu'il faut garder pour savoir cultiver tout le maximum de choses, des choses différentes. Alors, par exemple, pour les choux, les haricots, on corrige. Alors, ça, c'est extra avec des algues. Mais ça peut être aussi de la craie, celui qui dépose la craie, ou de la poudre de marbre, ou bien hein, tout ce qui est là, de la chose, de poudre de volcan, ça dépend où on est situé. Hein. Par exemple, si on est situé à côté d'un marchand de tombes, et tout, un marbrier, il y a tout plein de poudre de marbre, ça dépend où il y a moyen. Ou bien une région où il y a beaucoup de la craie, hein, il y a des régions où il y a de la craie, donc on récupère tout ça. Alors, poudrer régulièrement en cours de culture, encore maintenant. Hein, donc ça aide beaucoup. On a une belle couleur franche, vert franc au lieu de vert jaunâtre. On voit la différence. Ben, t'as fait l'expérience. Hein. Ben, moi, mon terrain, je pense que c'est parce que j'ai mis trop de pelouse pendant 20 ans. Mais c'était des couches et des couches et des couches. J'ai constaté qu'il n'y avait plus rien qui poussait. Il y a 2 ans que ça a commencé, à peu près. Et j'avais plus de fraises, j'avais plus de tomates, j'avais plus rien. Mais avec mes fraises, c'était flagrant. Mes fraisiers, ils avaient des petites feuilles, ils étaient toutes jaunâtres. Donc j'ai mis des algues marines. Elles sont devenues vertes, un beau vert. Un mois après, elles étaient de retour jaunes. Je remettais des algues marines. Mais quand j'ai mesuré le pH, j'en avais à peu près à 4,5. Donc j'étais devenu avec un terrain beaucoup, beaucoup trop acide. Et là, j'ai vraiment vu l'efficacité des algues marines. Mais il faut corriger un peu à la fois on arrive à ça. On ne peut pas vouloir mettre trop de choses, sinon on fait des blocages de fer. Et d'autres choses. Mais... Sinon, le fer, le cuivre est bloqué quand il y a trop de choses. Et pas sur la terre. Hein. En saupoudrage aussi. Un léger poudrage sur les plantes, hein, tous les mois, par exemple, tout, ça aide de façon formidable. Et donc, dans les terres, même acides, alors, ou même pas bonnes, on sait cultiver des choux, ou des haricots, par exemple, tous les légumineuses, hein, on a besoin d'un supplément. Comme ça, le poudrage, ça aide beaucoup. Et en même temps, ça lutte contre les pucerons ou bien les chenilles. Parce que ça les déshydrate. S'il y a des pucerons, des chenilles, ils sont déshydratés. Donc, c'est bon. Et les algues marines, pour la santé humaine aussi, c'est extra. Hein, c'est... voilà. Alors, deuxième truc. Donc, premier truc, urgent, haricots d'Inde. J'avais une question. Ce que vous vendez ici comme algues marines, en fait, c'est vraiment des algues séchées ou c'est de la poudre de calcaire, de roche de calcaire? Depuis quelques années, c'est la poudre de roche des pays scandinaves. Là où il y a eu la mer, il y a des millions d'années, il y a des résidus d'algues. Donc c'est des algues mortes. Fossilisées, en fait. Par la porte, oui. Parce que c'est interdit, mais heureusement, ils ont dû mettre un halte là. En Bretagne. Au début, on avait des algues marines, des glénans, hein, de côte bretonne, pêchées au chalut et tout ça, vivants. Enfin, mais il y a eu abus aussi, hein, il n'y avait plus, ils ont dû arrêter. Et donc les autres, les algues marines, au début, c'était vivant, et maintenant, c'est des algues marines mortes, mais le contenu est le même. Alors, est-ce que ça a la même efficacité? Ça, c'est encore... Moi, je pense que oui. Tous les éléments, en tout cas, sont là. C'est le même contenu, c'est la même valeur que au niveau laboratoire, comme ça. Hein. Les choses ne sont pas toujours aussi évidentes. Hein, mais voilà. C'est des algues marines fossilisées. Oui, c'est ça, dans la roche. Oui, oui, oui. Alors, haricots, c'est fini. Ouais, ouais. Je parle de ça parce que j'ai encore des boîtes avec des haricots dedans. Hein. Je ne vais pas rester avec. Hein. Ah, et la boîte, toi, elle est vide. Les boîtes que je prends. Il y a des variétés à conseiller en fin de saison. Les poirées. Donc, urgence, dans les urgences. Donc, les poirées, ça veut dire les bêtes. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est surtout les bêtes à couper. Donc, les poirées à couper. Ça, c'est un légume qui ne gèle pas. Les autres poirées non plus. Hein. Mais si vous mettez des poirées à grande carte, là, à grosse carte, et autres, vous semez maintenant, il y a grande chance que vous n'allez plus avoir cette année. Mais vous allez avoir au printemps. Parce qu'il faut déjà beaucoup pour que ça gèle. Mais les poirées à couper, ça, vous allez déjà encore avoir en automne, puis en hiver, et puis ça ne gèle absolument pas, et au printemps. Donc les poirées à couper, ça c'est vraiment intéressant. À manger, selon les goûts, hein, comme salade, ou comme ou à la façon des épinards et tout, voilà. Donc poirées à couper. Tiens, il faut m'interrompre s'il y a des explications à demander. Poirées, les bêtes, les blettes, à plusieurs noms, poirées, voilà. Hein? Alors, le pané. Alors, il y a encore semé le pané, pour avoir des panés, donc ça ne gèle absolument pas, pour avoir les racines à manger en mars, de mars jusqu'en mai, en mars, avril, mai. Donc les semis maintenant, c'est pour avoir des panais en mars, avril, mai. Ça ne craint rien. Jamais aucune maladie, aucune bébête, rien. Ce n'est pas attaqué par rien, c'est vraiment les gels non plus, c'est vraiment costaud. Voilà, ça vaut la peine, hein. C'est bon, farineux, sucré, c'est toutes sortes de trucs. Ça vaut la peine de redécouvrir. Avec ça. Des graines fraîches. Hein. Oui. Pas les graines que vous avez depuis 2 ans, ils ne vont plus lever. Les panais sont en train de faire leurs graines maintenant. Oui, oui, oui. On peut les remettre directement. Ah, oui, directement. Ils vont pousser comme la mauvaise herbe. Oh, c'est maintenant. Ouais. Le meilleur moment toujours pour semer, c'est le moment où ils font leurs graines. Hein. Ah, il y a beaucoup de choses que maintenant. Hein. Par exemple, là-bas, au jardin, on a des semis de persil et de tout sauvage, ou de poirées et tout, qui sont mis en graines. Ça fait des tapis complets. Alors, par exemple, le persil, il y a là, par exemple, un mec là, où on va au terrain, ça s'est semé. Et puis, alors, mais c'est trop dru, ça fait. Et puis, ça envahit par tout plein d'autres plantes qui vont planter dessus. Alors, il suffit d'aller chercher le persil et d'aller repiquer. Hein. Parce que le persil repiqué est formidable. Hein. Il n'est pas attaqué, ça vient des touffes de 30 sur 30 au moins. Hein. Donc, le persil repiqué. Donc, on a intérêt. Donc, le persil, je pense que c'est. Je ne sais pas. Je vais voir maintenant. Okay. Ah, ouais, c'est maintenant. Bon. Alors, donc, le panais. Le fenouil. Le fenouil, c'est maintenant qu'on a le beau fenouil à bulbe, hein, qui ne va plus monter en graines. Donc les semis de maintenant, le fenouil ne va plus monter. Et le fenouil, il faut passer tout l'hiver, jusque moins 5, pas de problème. Et si on a des beaux gros fenouils, là, encore qu'on a trop, on en rentre en tranchée, ou bien on repique dans la serre, ou bien dans un coffre, là, hein, pour en avoir, c'est pas si fragile qu'on le pense. Hein. Pourtant, c'est une plante méditerranéenne, qui aime bien l'eau et la chaleur et tout pour pousser, mais elle résiste très très bien au froid aussi. Hein, donc, alors, ça c'est le fenouil bulbe. Hein. Alors il y a le fenouil aussi, l'autre qu'on peut semer maintenant aussi, c'est le fenouil vivace. Hein, il y a plusieurs sortes de fenouil vivace. Il y a un fenouil bronzé, par exemple, magnifique. Hein. Il est là dans le jardin. Là. Il y a 3 mètres de machin, un fenouil bronzé, un goût formidable. Pour eux. Donc ça c'est reste en place. C'est un vrai vivace. On utilise soit les graines, très parfumé, soit le feuillage aussi, très parfumé. Pour... Mais même si on n'utilise pas, ça vaut la peine d'avoir une plante, parce que c'est une plante ornementale, c'est magnifique. Donc, ça c'est le fenouil vivace. Hein. Donc ça ne fait pas des bouboules hein, dans le fond, ça fait des cannes, ça fait des... Il y en a une plante. Ça attire magnifique. Bien les insectes. Hein. Ah, peut-être. Bien. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ça attire fort les syrphes, donc ceux qui font les syrphes place là. Mais ils attaquent encore plus les pucerons que les coccinelles. Oui. Ah oui, ils mangent les cirques. Oui, ils pondent. Est-ce qu'on leur pique à racine nue Non, alors, ouais, ça peut, mais c'est moins. Ouais, à recommander, c'est semis sur place. Ou bien en godet, et pas repiquer à racine nue. Si on repique à racine nue, y a beaucoup, la reprise est très difficile. Pour le fenouil. Ouais, j'ai déjà essayé, encore cette année, j'ai essayé. Et repiquer à racine nue, non, ça ne va pas. Le vivace, ça devrait aller, mais pas. Oui, le vivace. Mais pas celui à bulbe, donc c'est semé en place, indirectement, un demi centimètre de profondeur, pas plus. Hein, Ou bien alors, en godet, mais repiqué sans dépoter, avec le tout. Pas avec le pot, hein. Ça dépend si en tête. Ça dépend comment elle pose. Tu dis pas dépoter, si, il faut dépoter. Ouais, ouais, ouais. Pas enlever la tête. Pas démoter. Pas démoter. S'il vous plaît, quand je veux répliquer des plants en pot justement parasimus, j'ai souvent un problème, c'est que quand j'enlève mon pot, ma terre elle est tellement friable que j'ai plus rien. Enfin, faut laisser sécher pendant 3-4 jours. Ouais. Sécher. Laisser sécher, oui. Ouais. Arrêtez d'arroser, alors ça va. Il sort dehors tout seul. Mais alors, ça va, ça marche pas toujours, il y a des têtes les friables. Les tubes des. Mais alors il faut rajouter chaque fois un peu de tourbe ou bien un peu de terreau avec la terre. Vous prenez la terre, c'est ça, du jardin. C'est pour ça que j'ai un bon. Vous mettez en volée. Non, je pense pas. Ah. Vous mettez un peu de terre de jardin un peu. Non. Ah non, non, non, non, non. Vous faites dans quoi du terreau plus. Du terreau arpillé, tu es dans le. Ah oui, ben normalement, terreau, si vous arrêtez d'arroser, il va compacter, il va pas gêner. Vous achetez peut-être du terreau très fin. Ah, c'est bon. Normalement, non. Ils vendent des terreaux de semis et de repiquage, mais qui est très tamisé, donc ça ne tient pas ensemble. Il faut prendre le simple terreau brut avec des fils d'enrobement dedans. Des morceaux de bois, tout ce que tu veux. Excusez-moi, il y a un truc pour ne pas dépoter et tout se prendre comme ça. Avant de semer, avant de mettre la terre dans le pot, je mets 2-3 feuilles de consou l'une au-dessus de l'autre, et puis seulement je mets la terre. Et donc les pots, on les met dans un bac à eau. La consoute fond et les racines vont aller bouffer tout ça, donc on a des plantes vigoureuses et quand on dépote, il y a tout un chignon là en dessous, il n'y a rien qui se démonte et pouf, on met sa telle qu'elle dans la terre et ça fait bien carré, il n'y a pas de problème. Donc les feuilles de consoute dans le pot des semis. Alors, mais tu attires les limaces. Toujours dans les urgences. Elles adorent la consoute. Les choux raves. Donc les choux raves. Choux raves, ça veut dire vous avez les racines, vous avez un petit bout de tige, vous avez la grosse bouboule et les feuilles directement sur la bouboule. Donc ça c'est choux raves. C'est vraiment très très bon. Alors il y a deux grandes catégories de choux raves. C'est un des légumes les plus importants, je veux dire, dans les pays d'Est et même à partir de l'Allemagne. Allemagne, Hollande et tout ça, on cultive beaucoup ça. Par ici, beaucoup moins. Alors que c'est vraiment comme un fruit, c'est juteux, c'est juteux. C'est... Mais il y a deux grandes catégories. Il y a les catégories à petite tête, qu'il faut manger avant que ça n'atteigne la taille d'une orange, je veux dire. Parce qu'après, ça devient fibreux. Donc c'est pour manger assez rapide. Et puis il y a une variété allemande qui s'appelle Super Schmelz. Là, qu'on ne doit pas, ça peut venir, certains peuvent venir jusqu'à 10 kilos. Donc c'est pour dire que sans devenir fibreux, ni machin. Donc là on est plus sûr, on peut les manger à n'importe quelle taille. Et ça reste toujours juteux, sucré et bon à manger comme un fruit. C'est vraiment un légume à découvrir dans nos régions. Donc c'est des choux raves. Hein, choux raves. Ça peut devenir de la taille d'un seau de 10 litres. Le chou, la boule. Et elle est toujours tendre. Hein. Ah ouais, bon, à couper en tranches, à manger comme un fruit. Là, ça vaut la peine de découvrir ce légume. Donc c'est encore maintenant, c'est urgent encore à mettre maintenant. Et ça ne gèle pas. Encore un de. Donc, ça, on peut mettre maintenant, ça ne gèle pas. Hein. C'est pour récolter quand alors ? Pardon ? Les plantes maintenant, c'est pour récolter quand les choux ? Ah, ben, selon la grosseur, comme on veut. Donc, on peut déjà les récolter, par exemple. Mais souvent, on sème trop de rue. Hein, souvent. Donc, on sème. Quand vous semez comme. Il ne faut pas semer trop de rue, je veux dire. Tu as une graine tous les 5 cm, ça va. Parce que la plante, une plante qui développe, elle va planter une vingtaine de centimètres. Mais ça ne fait rien. Les premiers vont développer des petites boules comme ça, vous prenez entre deux, et vous mangez les petites, et puis vous laissez, les autres vont grossir. Donc, à partir de... Si vous mettez maintenant, semez maintenant, vous allez avoir ça pas avant fin automne. Hein. Ah ouais. Fin d'automne. Il fallait semer au printemps, très tôt au printemps d'ailleurs, on sème très tôt au printemps pour avoir assez vite. Hein. Mais les semis maintenant, c'est pour ça que je dis c'est urgent, semis maintenant, vous allez avoir fin d'automne, mais tout l'hiver et au printemps... Hein. Donc là, il gèle pas. Non, ça je prends. Oh, il faut déjà énorme, non, plus que moins 15, je prends. Ben, ceux qui sont en maturité vont geler, peut-être pas les gens. Les gros vont geler. Donc ceux que vous avez semés, quand ils gèlent en plein hiver, et que vous avez des. Ceux-là, ouais, les adultes, mais pas ceux que vous semez maintenant. Ceux que vous semez maintenant. Oui, quelle variété on sème maintenant? Toutes, ils peuvent se semer toutes. Si vous voulez rapide, être sûr avant, je veux dire avant l'hiver, C'est des variétés à petites boules, à petits. Bah, je dis à petit, comment on dit, pas tubercule, comment on dit ça. Bouboule. Bulbe, c'est dans la. Il y a des violets deviennent, des blancs deviennent. Ça, c'est, bah, des, ça, c'est des petits comme une orange. Super chemin, ça, c'est ceux qui viennent gros, donc plus tard. Alors, il y a encore temps, mais urgent, les choux brocolis âgés. Âgés, ça ne veut pas dire long. Âgés, ça veut dire. Ça fait des jets. Donc, la brocolie qui pousse comme un arbuste. Et il produit des jets avec au bout un petit chou-fleur, un petit brocoli, un petit machin. Donc c'est urgent, hein, c'est urgent. Ça devait déjà être semé, mais il y a encore moyen maintenant de semer ça. Alors, les premiers, il y a une quinzaine de variétés différentes. C'est d'origine italienne. Il y a une quinzaine de variétés différentes. Les premiers donnent leur jet et leur souffleur à partir de Noël, et d'autres à Pâques. Donc ça dépend. Il y a de toutes les couleurs. Des blancs, des violets, des roses, de tout. Et ça pousse sans arrêt. Donc on mange et les jets, alors, comme des asperges. C'est aussi tendre que des asperges, et le petit brocoli qui est dedans. Et ça pousse sans arrêt. Ça ne gèle absolument pas. Donc ça, c'est vraiment un des légumes extraordinaires qu'on a en plein hiver et tout le printemps. Il y en a qui font un mètre de... Adultes un mètre, il y en a qui font deux mètres de haut. Hein. Vraiment, ça, c'est la nourriture de l'hiver, et surtout du sorti de l'hiver, quand il y a beaucoup moins, là, ça, c'est très, très intéressant. Il n'y a pas besoin de protection, il n'y a pas besoin de rien du tout. Donc, on n'est pas embêté par les chenilles, parce que c'est pas la période qu'il y a des chenilles. C'est une période où il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas rien. Donc, ça s'appelle, pour les voir dans le catalogue, les choux brocolis âgés. Attention aux oiseaux, l'hiver, les pigeons. Ah ouais. Et on laisse fleurir après, ils vont prendre comme ça, pain, ça attire bien des... très tôt les abeilles. Alors, il faut mettre un tuteur. Ça dépend, quelquefois, oui. Mais généralement, c'est assez costaud. Quand c'est en plein vent. C'est ça. Ça dépend. Hein. Si c'est un jardin comme ici, protégé, non. Si c'est en plein vent, ça peut... Dans le catalogue, comment est-ce qu'on reconnaît les choux brocolis âgés de Noël? Ah non, il est marqué brocolis âgés, donc c'est de Noël. C'est là-dedans, c'est dans les choux brocolis âgés. Il y en a pour Noël et il y en a pour Pâques. Il est marqué chaque fois, à côté de chaque truc, il est marqué... C'est marqué. Oui, il est marqué. Chaque fois, de telle date à telle date à l'école, oui. Pour chaque variété différente, il est marqué. Mais les autres, par exemple, les brocolis de Noël, ils commencent à Noël, mais ça continue, hein. Jusque Pâques, par exemple. Hein. Il y a déjà des choses comestibles à partir de Noël. Alors, on est où, là? Toujours dans les urgences. Les chicorées. Les chicorées en dip frisé et les scaroles. Donc, chicorée en diffusé, chicorée scarole. Donc, ça, c'est urgent. Et semis, c'est urgent, parce que, disons, ça gèle à moins 3. Ça peut résister jusqu'à moins 3. Moins 3, ça gèle. Donc, ça c'est urgent de semer maintenant. On peut semer et repiquer. Mais on peut semer aussi très clair en place. Ce qui est mieux. Parce que si on est un peu tard, si on a la place, bien sûr. Si on est un peu tard, il vaut mieux semer en place. Parce que si le temps du repiquage, on fait une semaine, deux semaines, quelquefois trois semaines, et donc voilà. Ou bien il faut semer clair dans des petits pots et tout repiquer avec le. Oui, voilà, et tout repiquer avec la terre. Tout, avec la terre. Pardon ? Non. Non. Fait trop chaud dans la terre. Oui. Plus tard, oui. Par exemple, ceux qu'on a, par exemple, si on a des beaux gros, les petites gelées, ça n'a pas peur. Mais quand ils commencent les petites gelées, et qu'on a des beaux parcs là, qui sont adultes et tout, là, on rentrait à l'abri, avec un peu de terre autour, les repiquer dans la serre, là, ils vont tirer le coup et on continue à manger. Ça, comme ça, oui. Donc, c'est collé en diffusé, scarole. Alors, les radis. Donc, toujours, on peut replanter maintenant tous les radis, tous. C'est-à-dire, on peut replanter les radis actifs. Hein, les radis, on appelle ça radis de printemps, mais c'est pas juste. Les radis actifs, ils mettent coup. Donc, on est tard dans la saison, on peut replanter les radis actifs pour avoir très tôt. Mais on peut aussi semer maintenant les radis d'été, et puis aussi les radis d'hiver, ceux qu'on va garder tout l'hiver et tout ça. Donc, je veux dire, tous les radis, on peut les semer maintenant, de n'importe. Le reste, c'est le goût. Ça dépend ce qu'on aime bien. Hein, si c'est des blancs, des rouges, des gros, des longs, des machins. Il y a des radis, là, de asiatiques, incroyables. Les gens, on a reçu, je ne sais pas si j'ai déjà mis dans la boîte, là, les radis d'Aïcon. Je pense qu'on les a reçus. Je ne sais pas si on a déjà fait les sachets. Oui, il n'y en avait plus dans la boîte. Hein? J'ai semé deux fois, une fois au printemps et une fois quand il faisait chaud, quand même la même chose. Chaque fois, ils montent en fleurs directement. Ah oui, mais plus maintenant. Comment ça me... Ah. Persévère. Non, non, non. Maintenant, comme maintenant, ils montent plus. Parce que Jesmeco, il faisait tout. Et quand même monter en fleurs. Mais c'est des radis d'hiver, les daikons. Hein, c'est pas... Ouais, il faut Jesmeco. Ah ben maintenant. Non. Et c'est urgent. Il y a des radis qu'on peut se mettre tout l'année, mais les radis d'hiver, donc quand l'hiver, les radis asiatiques, c'est maintenant qu'ils ne vont plus monter. Ah ouais, c'est maintenant. Hein. Bon, je pense qu'il est bien marqué dans le catalogue. Ici, à partir de... Donc tous, ça vaut la peine. Pour celui qui ne connaît pas, par exemple, les daikons, ça fait des gros radis blancs, il y en a qui peuvent arriver jusqu'à 10 kilos. Hein. Et, ah ouais, et il y en a des longs. Il y en a qui font un mètre de long, pas dans les daikons, dans les autres, les japonais, des autres. Vraiment, ça vaut la peine, c'est bon. Et ça gèle pas facilement. Hein. En tout cas, la plupart, jusque moins 10 degrés, ça résiste. Hein. Donc vous avez là une verdure, une crudité tout l'hiver. Hein. Formidable. Hein. Il se sème en juin, juillet, c'est marqué. Tu vois, daikon, comment ça s'écrit ? Quoi ? Daikon, je sais pas, pour vous. Mais non, là-bas dans les Ardennes, juin, juillet, ça c'est le printemps. 147 hein. Combien ? 147,04. Allez. Oh là. Non, il y a marqué. Quand les radis, ils veulent partir de... Ah, c'est parce que la terre est trop riche en azote. Ah ouais, c'est parce que la terre est trop riche. Il y a pas l'engrais, c'est avec du fumier. C'est du fumier. Qu'est-ce qu'il y a eu qui va pas ? Ah ouais, même quand la terre est trop riche, les radis font beaucoup de feuilles et pas de bouboules. C'est trop riche. Donc il faut même problème. Ouais, un coin de son jardin où la terre est trop riche, n'est pas trop riche. Surtout les radis. Ouais, ou bien alors, ouais, c'est les radis de actifs qui montent vite comme ça. Après, moins. Hein. Ouais, mais ils montent pas aux graines. Hein. Ils montent pas aux graines. Non, ils font beaucoup de feuilles. Ouais, mais ça, c'est. Après, moins. Les radis d'hiver et tout, c'est moins. Ça fait moins, ça. Allez, continue. Les aroches. Donc, ouais. Pour les radis, j'en ai semé il y a 3 semaines et j'ai une très forte attaque d'altise. Pardon ? J'ai une très forte attaque d'altise sur les radis. Je comprends pas. Les altises. Les attaques d'altise. Ah, ouais. Les puces de jardin. Il faut arroser. C'est un bon signe, hein, parce que les altises, donc les puces de jardin, ça donne un signal qu'il n'y a plus assez d'eau pour la plante. Ah ouais. Ouais. Donc ils attaquent tous les crucifères, les choux, les moutardes, les navets, les radis, et tout ça, ça fait des trous. Donc c'est des puces de terre qui sont sur la terre, ils sautent du sol pour manger, pour s'arrêter, puis ils font des trous, ils retombent dans le sol. Mais quand la terre est mouillée, ils ne savent plus sauter. Ouais. Hein? Quand la terre est humide, voilà. Donc, c'est quand ça se passe, ça veut dire qu'au pied des choux, bien les crucifères, n'importe quoi, les navets, tout ça, ça veut dire qu'il n'y a plus assez d'eau. La terre n'est plus assez humide au pied. Peut-être essayer de mettre un peu d'algues marines. Oui, ça aide aussi. Mais ça ne gêne en rien, normalement. Hein. Ça ne gêne en rien, à mon avis. Hein. Ça dépend de l'attaque. Oui, ça peut provoquer. Ouais, des fois, ça attaque très jeune aussi, ça évite que ça l'aide. Ouais. Moi, j'ai jamais eu. Ça dépend où, ça dépend. Ouais, c'est tout ça. J'ai une question, mes menthes sont mangées complètement par des petites bêtes bleues. Qui... Ah, qu'est-ce que tu fais contre ça ? Parce les quoi ? Les menthes ? Les criocères. Ah, ça, c'est un bienfait. Bienfait de la nature. D'abord, le bon Dieu a fait ces petites bêtes. C'est des bijoux naturels, bleus, tout ce métal est très grand. Donc d'abord ça, c'est beau, c'est magnifique. Alors, quand on a créé ça, la menthe est très agressive. Très agressive. Et très envahissante. Ah ben, c'est pas pour rien, alors qu'il y a ces petites bêtes qui ralentissent et qui... Non, mais elles ralentissent tout, oui. La première chose, c'est parler, mettre un panneau, que... Que s'ils continuent comme ça, on va être obligé d'employer des moyens forts. Souvent, ça suffit. Sinon, alors, vous mettez à côté... Vous avez des poules ? Oui. Ah ben, vous mettez... à côté de machin, une poule, avec un piquet et une ficelle à sa patte. Alors, non, mais c'est pas d'avoir une poule. Et vous laissez là, elle va vous bouffer tout le... Ouais. Toute la mort. Mais... Okay. Si la poule, elle vous obéit, vous n'êtes pas obligé de mettre une ficelle. Hein. Vous dites, c'est là, vous restez là, vous mangez. Mais elle ne va pas obéir. Hein. Mais non, non, mais c'est pas d'avant, non, non. Mettez une poule à côté. Ouais. Ou bien alors, une volière, quelque chose comme ça, avec la poule dedans, qui cache tout la où est la montre, que la poule ne s'est pas partie, on vient... Non, non, et la poule va manger tous les cléocés. Et mettre hein. La montre dans le poulailler, c'est pas une bonne idée. Ah ouais, mais vous n'aurez plus de montre. Ouais, mais... Non, mais si en même temps vous mettez la poule là, la poule, elle va vous pondre des beaux œufs bleus. Vous avez le choix, là. Non, mais c'est vrai. Généralement, c'est un bienfait. Parce que la montre, envahit, quand elle se trouve bien, elle envahit tout. Et donc, c'est bête. Moi, j'ai déjà marqué, ils mangent et tout. Et donc, on a assez de montre. Et donc, ça limite naturellement bien. Mais c'est vrai, il ne faut pas laisser... Il ouais, ouais. Faut les prélever et les jeter. Mais les poules, ils adorent ça. C'est plus simple. Ouais, les plantes. Mais c'est difficile, hein, les plantes, hein, parce qu'ils se camouflent. Ah, il faut mettre la main en dessous, c'est comme les créocères des asperges ou bien des lys. Donc il faut, quand vous approchez, elles voient que vous approchez, et les créocères, ça s'appelle les créocères, ils sont tous différents. Hein. On a des rouges, des bleus. Ils voient quelque chose approcher, ils se laissent tomber. Donc il faut mettre la main en dessous, approcher, et puis bouffe, elles vont tomber dans la main. Oui, mais c'est pas normal, ouais, comme ça. Sinon, vous essayez des plantes comme ça, oh là, ils se laissent tomber, vous ne savez pas les avoir. Donc, mettre un petit pot, hein. Mettre un petit pot, et secouer, approcher, mais même pas secouer, approcher, elles vont tous se laisser tomber. Bon. Ouais, ouais. Mais c'est magnifique, ça. C'est couleur bleue, métallique, c'est beau. On fait là, si vous avez des petits-enfants, des petits-fils, là, on fait la course au cryocène, la plante, comme on fait la course à escargot, on les cherche, on met des escargots, on fait la... Ouais, il y a tout plein d'affaires, là. Vous pouvez... Ben ça, c'est une dernière recommandation, après j'arrête. Vous pouvez les manger, hein. Maintenant, on fait... Moi, j'ai ça, des restaurants, on mange tous ces insectes-là, et la couleur bleue, là, le machin, ça coûte cher, hein, les cryocènes. Ben ouais, on vend tout ça, maintenant, tous les insectes, on les bouffe et tout, et c'est pas mauvais, hein. Et aussi, c'est culturel et tout. Et ils passent derrière dans la friture, tout ça, et puis on voit plus le client. Non, non, mais on est très fiers. Alors, on a gaspillé beaucoup d'argent pour aller manger des insectes et on est comme il faut. On dit à ses amis, t'es bouffé des insectes. Là, on est, à le statut social, tout de suite, il monte. Hein. Ouais. Ça a quelquefois été dégueulasse, mais ça fait rien. Hein. Bon, alors, on arrive. Donc, Aroche. J'étais à Aroche. Donc, Aroche. A-2-L-O-C-H-E-S. Aroche. Donc, il y a coton. Dans les urgences, il y a coton de semer maintenant. Ça vaut la peine encore de semer, même si on en a. Mais si on en a, c'est maintenant qu'ils sont en graines et qu'ils vont semer tout seuls. Si on en a, il faut les laisser semer tout seuls. Parce que ça, c'est les premiers légumes à manger au mois de février, mars. Ils vont déjà lever à cette époque-là. Ça fait des épinards d'un goût formidable. On peut manger cru ou machin. Donc, les arômes, ça, c'est un des légumes. Une fois qu'on gère bien ça, donc bien gérer, ça veut dire. On mange des grandes feuilles et tout. On laisse grainer, on laisse tout ça. Et puis au mois de février, mars, ça pousse tout seul. C'est un des premiers légumes. Donc, arroche. Les graines se mangent aussi. Hein. Ah, je sais pas. C'est... Ah, mais, ah bon, ah bon. Donc c'est un bon légume à manger cru ou cuit. C'est un très ancien légume, un très vieux légume. Hein, c'est... Le persil à racines. Alors quelque chose qu'on connaît beaucoup moins et qu'on cultive aussi beaucoup dans les pays de l'Est, en Hollande, en Allemagne. C'est le persil qui fait des racines comme une carotte demi-longue. Donc ça fait persil demi-longue. C'est moins intéressant pour le feuillage. On peut utiliser le feuillage, mais le feuillage je veux dire, a une odeur un peu bizarre, un peu, mais pas très plaisant. Mais la racine, bien. La racine est sucrée et juteuse. Je veux dire, c'est un peu comme sucrée et farineuse. C'est un peu comme le pané. Mais c'est quand même un petit panais, quoi. La racine est comme une carotte demi-longue. Donc, c'est le persil, la racine. Ça ne gèle absolument pas, donc non plus. Donc, c'est à semer maintenant. Donc on récolte, c'est très bon, bien sûr, c'est bon. Donc, mais on n'a pas du tout l'habitude de manger ce genre de persil palétique. Soit disant, le feuillage. Hein, le feuillage est un peu plus toxique que l'autre persil. Parce que tous les persils sont légèrement toxiques. Il faut savoir, tous les persils. Hein, donc, quand on dit qu'il ne faut pas manger, parce que c'est toxique, ça. Mais il y a beaucoup de légumes, le cerfeuil, il y a beaucoup de légumes qui ont une certaine toxicité. Bon, ça n'est grave que pour des gens qui sont allergiques justement à ce truc-là, sinon non. Sinon, et puis, culturellement, on est tellement habitué à manger certaines choses qui sont toxiques que pour nous, ça ne fait rien. Alors que d'autres qui n'auraient pas l'habitude de manger, ils seraient malades. Donc ça c'est aussi culturel. Hein. Le corps est habitué. Voilà. Il rejette alors certains trucs qui n'ont pas l'habitude. Hein. Souvent, c'est ça. Hein. Alors, donc, le persil, la racine. Les poulpiers. Donc, il est important de semer les poulpiers. Donc, si possible, persil la racine directement en place. Tout clair, en place. De même que le poulpier. Donc, le poulpier directement en place. À un endroit, le persil la racine pousse n'importe où. Le poulpier, il faut un endroit bien éclairé, chaud, bien éclairé, avec une terre pas trop humide. Voilà. Et avec un peu de chance, après, il y a des terres à poulpier, des jardins, où ça se produit sans arrêt, qu'il ne faut jamais plus semer. Et il y a d'autres où il ne veut pas. C'est encore un des mystères. Moi, je n'ai pas une terre. Enfin, je n'ai pas encore trouvé l'endroit où le poulpier peut. J'ai toujours de la misère. Je dois toujours semer tous les ans. Et il y a d'autres endroits où ça pousse, ça se reproduit tout seul. Poulpier, pour les gens qui ne savent pas. Donc, c'est surtout un légume, donc c'est une plante grasse. En somme, une plante grasse. À manger cru et à mettre dans les salades, ou bien pour faire la soupe, pour faire le velouté dans la soupe. Hein, donc c'est beaucoup de gens. Alors, oseille et épinard perpétuel. Donc l'oseille ordinaire, l'oseille. Il y a beaucoup de formes d'oseille. Hein. Et l'épinard perpétuel. Donc ça, l'épinard perpétuel, c'est soit, on appelle épinard perpétuel, ou bien oseille perpétuel. Hein, c'est tout, la même famille. Épinard perpétuel, ça se met maintenant. C'est un légume qui ne gèle pas, qui est vivace. Donc on aura pendant plusieurs années. Ça fait des formes, ça pousse comme les lumex là. Des grandes feuilles en forme de lance, comme ça. Alors, c'est légèrement aussi un peu trop chargé en nitrate, mais pas comme les épinards. Beaucoup moins. Donc, on peut manger plus que les épinards, il faut se méfier. Quand on met des épinards, je vais en parler après. Donc, oseille, épinards perpétuels. Donc, c'est maintenant. Les carottes courtes et demi-longues. Attendez, alors, j'ai marqué là. Ah oui, c'est encore autre chose. Donc, les courtes et demi-longues pour encore avoir à la fin de l'automne, au début de l'hiver. Parce qu'après, je vais parler dans les semis pour le printemps, il y a aussi des carottes. Donc, mais on peut encore, donc urgent, des carottes courtes et demi-longues pour encore avoir ici à fin d'automne. Fin d'automne, début de l'hiver. Donc, en ce moment, maintenant, directement en place. Ou bien, si vous n'avez pas de place, non, ça ne va pas marcher. Si on sait m'engonder, ça c'est pour plus tard. Je vais parler après. Les choux à couper. Les choux à couper et les choux à couper qui s'appellent brocoli asperge. En italien, rapadacima. Les Italiens en ont fait une spécialité. Ils appellent ça rapadacima. Donc c'est un chou à couper comme on a les laitues à couper. Encore une fois intéressant, ça pousse à des moments où il n'y a pas beaucoup d'autres légumes. Donc à semer maintenant, vous en aurez tout l'automne, l'hiver et le printemps. Donc des choux à couper. Pour aller garder dans la rubrique choux à couper, il y a plusieurs variétés. Et dans les rapadacima aussi. Donc voilà. Donc, ça vaut la peine, c'est riche. Alors, dernier délai aussi, pour la celtus. Si vous en entendez, celtus. C'est la laitue céleri. C'est d'origine asiatique. Donc eux, ils ont développé une laitue. Ben, il faudrait. Une laitue qui monte, qui pousse sur une tige, et les feuilles sont sur la tige. Donc on commence à manger les feuilles à partir du haut, du bas, mais la tige se mange aussi à la façon des asperges. Donc ça s'appelle une celtus, laitue céleri. Laitue céleri, ouais, c'est curieux à faire, mais c'est quelque chose, justement, contrairement aux autres laitues qui n'aiment pas le chaud, quand il fait chaud, il monte en graine, celle-là, je ne vais pas dire qu'elle aime bien le trop chaud, mais la chaleur ne l'accommode pas trop. Donc maintenant, pour la voir en automne, bien sûr, elle va geler, mais pas facile, hein. Au moins jusqu'à moins 5, ça va. Donc c'est une laitue qui monte. Elle peut faire jusqu'à 1 mètre comme ça, avec des grandes feuilles. Hein, et tout, voilà. Donc on monte d'abord les feuilles, et puis on mange la tige à la façon des asperges. Oh là, je vais jamais arriver au bout. Bon, enfin, alors, je vais essayer d'aller vite pour savoir là, dire après le 15 août, parce que ça, je dois absolument dire. Ouais. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Semi du mois d'août, donc c'est semi ordinaire. Maintenant, mais c'est pas urgent. Donc ça veut dire qu'on peut faire maintenant, même jusqu'au 15 septembre en général. Les navets raves, les sous-navets ou les rutabaga, c'est la même chose. Hein. Donc navets raves, sous-navets et rutabaga, c'est la même chose. Donc en Belgique, c'est des sous-navets. En France, c'est des navets raves. Et notre famille générale, c'est rutabaga. À redécouvrir, c'est très très bon. Les navets gèlent à moins 5 à peu près. Les navets raves, là, les rutabaga, jamais. Donc c'est ça le grand avantage des rutabaga. Mais les rutabaga ont un goût beaucoup plus prononcé. Mais il y a des longs, il y a de tout. Donc pour faire des couscous, les mêmes fonctions que le navet, avec un goût un peu plus fort. Mais ça vaut la peine de redécouvrir rutabaga. Ça ne gèle pas, donc c'est un légume d'hiver formidable. Donc bon. Et celui qui aime bien les goûts plus prononcés. Bon. Alors, les laitues. Ça se mange avant l'hiver. Alors. Non. Les rutabaga tout le temps. Pendant l'hiver. Printemps. Qu'est-ce qu'une jalpa ? Alors, les navets. Si on sème maintenant, ceux qui viennent très gros résistent moins au gel que ceux qu'on a semés, par exemple, au 15-7 ans. Donc, on pourrait semer des navets pour avoir des beaux gros navets maintenant, au temps du début d'hiver. Et après, attendre le 15 septembre pour consommer des navets. On va avoir des navets qui vont venir gros, soit comme des balles de ping-pong, soit comme des oranges, selon le temps, mais ceux-là ne vont pas geler. Donc là, ouais, hein, c'est la grande différence, c'est le moment du semis. Voilà. Les adultes, ils vont geler, ils vont éclater, tandis que les jeunes, pas. Ils vont, voilà. Les laitues. Donc maintenant, on peut reprendre tous les laitues. Tous. Aussi bien les laitues de printemps, qu'on appelle les laitues hâtives, pour avoir plus tôt, mais que les laitues toute saison. Et alors seulement les laitues d'hiver, là, pas avant fin août-septembre. Donc fin août-septembre, les laitues d'hiver. Tous les autres laitues, maintenant. Mais fin août-septembre, les laitues d'hiver. L'étude d'hiver, ça veut dire que c'est des laitues qui ont été fabriquées, j'ai fait, spécialement pour le mettre avant l'hiver, en pleine terre, sans protection, pour avoir des grosses laitues paumées au printemps. Donc, mais ça, c'est à semer, il y a la rubrique, là, ça c'est à semer fin août, début septembre, hein, pas avant. Fin août, début septembre, cela. Hein. Tandis que tous les autres, maintenant, de nouveau, les laitues hâtives, les laitues d'été, automne, les laitues quatre saisons et tout ça. Voilà. Alors, les chicorées sauvages à couper. Les chicorées sauvages paumées et les chicorées sauvages à petites pommes. Donc, dans les chicorées sauvages, ça ne gèle pas. Les semis de maintenant ne gèlent pas. Donc, on a là-dedans les pains de sucre. Les Chioggia, les Castelfranco, et tout. Hein, donc, pour des boules, ou bien, il y en a des tout rouges, il y en a de toutes les couleurs. L'intérêt, c'est qu'on a ça tout le fin d'automne, tout l'hiver, et tout ça, et au printemps. Hein, donc, voilà, c'est tout. Les chicorées sauvages italiennes, ça vaut la peine. Hein. Les moutardes épinards. Donc, ça, c'est nouveau aussi. On peut mettre maintenant, nous, ce qu'on connaît par ici, c'est les moutardes blanches, les moutardes noires. Hein, toutes les moutardes sont comestibles. On a tort parce que on met souvent comme seulement aromatique pour faire la moutarde, pour faire tout, alors qu'ils peuvent se manger comme un légume. Mais les Japonais, les Chinois ont développé beaucoup de moutardes, qu'on appelle maintenant des moutardes d'épinards, qui sont de la taille d'une grosse laitue, et donc et qui résistent à tout aussi, tout l'hiver et tout, qui ne gèlent pas, et donc ils font beaucoup de volume. Ça ne fait pas de pommes, hein, mais ça fait de grosses pommes. Hein, avec un goût, comme on dit ça, le goût qui se rapprochait de la roquette. Celui qui connaît la roquette, hein, le roquette ou le cresson, c'est un goût comme ça. Donc les moutardes d'épinards. Il y en a aussi de toutes les couleurs. Hein, donc voilà, à voir dans et si on laisse grainer, on en a chaque année. Ah ouais, ouais. Chaque année, ça vient. Mais ça passe l'hiver, magnifique, ça vient beau, grand, ça vaut la peine. Donc toutes les moutardes. Alors la roquette, ça ne gèle pas non plus. Donc ça se met maintenant, mais c'est encore à semer. Tous les mois, on devrait semer de la roquette. Hein, pour avoir, ça gèle, donc voilà, ça monte vite en graines. Hein. Les choux de Chine, donc là maintenant c'est le meilleur moment pour les choux de Chine. Les Mizuno, c'est un chou de Chine qui ressemble aux épinards, mais qu'on mange comme les salades et tout, c'est formidable, ça ne gèle pas. Et alors il y en a des paumés, il y en a de toutes sortes à choisir. Il y en a comme des poirées, hein, qui ressemblent à des, Alors, des bêtes et tout ça. Hein. Mais, donc l'intérêt maintenant, c'est les semis de maintenant, du mois d'août, ne vont plus monter en graines. Hein, donc voilà, c'est ça qui... Sauf si on a une grande sécheresse. Mais là, en Belgique, une grande sécheresse, ça... enfin, on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais. Avec le temps qui change maintenant. Des heures. Ouais, ouais. Une grande sécheresse qui les ferait monter en graines. Hein, donc. Mais sinon, non. Sinon, maintenant, il n'y a plus de danger. Alors, un très bon moment pour semer les ciboules, les ciboulettes, les cébettes. Donc, les ciboules. Il y en a des rouges, des blanches. Les ciboules, c'est ce qu'on appelle les oignons perpétuels. Hein, donc, les ciboules. C'est vivace. Hein. Les ciboulettes, ça, tout le monde connaît. Ciboulettes à tige ronde, machin bleu. Mais il y a les ciboulettes chinoises. À tige plate. Largement supérieur, hein, au goût et machin. Une fois qu'on en a, là, c'est formidable. Les ciboulettes chinoises, je veux dire, ils sont plus intelligentes que les autres, que nos ciboulettes à nous. Parce que les ciboulettes à nous, ils émettent des sécrétions qui font qu'eux-mêmes, ils s'empoisonnent. Donc c'est les ciboulettes un peu bébêtes. Hein, donc ils émettent des sécrétions pour se protéger autour d'eux, mais ils s'empoisonnent eux-mêmes et donc ils disparaissent. Souvent après un an, deux ans, trois ans, ça dépend. Tandis que les ciboulettes chinoises, ils sont là depuis 10 ans, 15 ans. Il n'y a pas ce phénomène-là. Donc, tu te plaches et on a ça tout l'année. Hein, donc, les ciboulettes chinoises. Ouais. Alors, la cébette, ça, c'est un oignon poireau japonais. Donc, ça vient du Japon. C'est un oignon qui pousse à la façon d'un poireau. Très recommandé, parce que jusque maintenant, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de bête qui l'attaque, il n'y a rien. Et donc, ça a vraiment le goût de l'oignon. C'est un oignon, mais qui pousse comme un poireau. L'avantage, c'est qu'il est vivace. On peut couper, il repousse sans arrêt et tout. Et voilà. Donc, ça s'appelle la cébette. On n'entend pas de bruit, donc je continue tant qu'il n'y a pas. Les cressons, c'est bon moment, les cressons, de toutes sortes. Il y a les cressons qu'on cultive dans des bacs et tout, mais aussi le cresson de jardin, qui vient très grand. Hein. Hein, le cresson de, je ne sais plus de quel région, on appelle le cresson de. Alénois. Un cresson alénois, c'est ça. Alénois, donc le cresson de jardin, quoi, hein, qui vient beaucoup plus grand et tout ça. C'est des trucs différents. Hein. Donc on peut le cultiver en bac, mais le cresson de jardin, il vient beaucoup plus grand et beaucoup plus intéressant. Les persils, très bon moment pour semer maintenant les persils en pot, en bac, puis pour aller repiquer dans le jardin. Le persil semé maintenant, donc vous en aurez toute l'année prochaine. Hein. Mon persil pour l'instant devient très jaune, devient en tige. Alors je ne sais pas ce que je dois faire. Non, il faut laisser grainer. Ah oui. Ah ouais. Il faut laisser grainer et il va pousser. Non, celui-là, il ne va pas pousser, mais vous aurez tout plein de nouveaux plants qui vont. Ah, oui. Mais sinon, vous êtes, pour être sûr d'avoir du persil, vous pouvez semer maintenant en godet, en bac, et repiquer. Oui. Ouais, aussi, hein, ouais. Mais sinon, celui-là, ouais, vous le laissez tranquille, il va grainer autour, il va. Ouais. Donc, il va avoir tout l'année d'après. Alors, la mâche, ça commence. Hein. Donc, la mâche à salade de blé. On peut faire ça tout l'année. Hein. Il y a des mâches adaptées maintenant à toutes les saisons et tout ça. Mais maintenant, toutes les mâches, on peut commencer ici. Je veux dire, commencer quand les fortes chaleurs sont passées. Le meilleur moment, c'est quand les grandes chaleurs sont passées. Les grandes chaleurs, non plus, c'est le terrain par ici, mais ça peut, tout il peut arriver, hein, par ici, tout. Hein. En Belgique, c'est en Belgique, hein. Ah oui, maintenant, sur une semaine, on a les petites chaleurs, les fortes chaleurs, la sécheresse, la machin, maintenant, en Belgique, tout ça. Donc, deux jours de temps. Donc, il faut vraiment... Ouais. Donc, les mâches salades de blé, sur une terre bien ferme, sinon ça ne va pas. Hein. Donc, je veux dire, faut... Et une terre propre. C'est rare que je parle de ça parce que j'ai horreur de la propreté. La propreté, c'est un concept encore fasciste, je veux dire, pour moi. Donc, il faut une terre ferme et propre. C'est-à-dire, faire souvent travailler des faux semis. Donc, je ne sais plus comment on appelle ça. Faux semis. C'est-à-dire, vous plaît, par exemple, entre les poireaux. Alors, bien qu'on a bien fait, ça, on met des poireaux tous les 60 cm, tout ça. Et puis après, maintenant, on veut venir travailler. Deux fois, trois fois, quatre fois, entre deux, chaque fois qu'il y a un semis de mauvais herbe, on va faire jusqu'au moment où il n'y a presque plus rien, et alors on pourra semer la mâche entre deux. Donc voilà, ça veut dire que semer la mâche, si vous êtes envahi par les mauvais herbes, il n'y a pas de mauvais herbes en bio, c'est bon, hein, tout ça contient, mais pour cultiver la mâche, ça ne va pas. Hein. Il faut aller après, la mâche est petite. Donc il faut semer, ça veut dire qu'on va travailler comme si on allait semer. Hein, travailler la terre, faire, et puis on ne sème pas. On attend la poussée mauvaise herbe. Puis on fait ça deux, trois fois. Tout ça, donc là, du moment qu'on ne remue pas la terre, il n'y aura plus. Tous les semences qui sont là, à portée du soleil, je veux dire, ils vont germer. Et puis alors, on peut mettre la mâche ou d'autres légumes qui sont toujours envahissants. Donc, même le truc de faux semis, on peut faire toute l'année. Hein. Ça dépend le genre de truc qu'on veut. Donc on prépare tout comme si on voulait semer et on sème pas. Et puis on attend, et puis voilà. Donc la marche. Salade de blé. Un des légumes les plus nourrissants. Hein. Il contient beaucoup de protéines, des huiles, des trucs pour la santé. C'est formidable la marche. Et ça coûte un prix fou. Hein. C'est le prix de l'or. Hein. S'il faut acheter des marches maintenant, vous allez voir. Hein, c'est pas barquette de 100 grammes ou 50 grammes maintenant. On va voir combien vous avez payé. Ça vaut la peine. Et ça pousse facilement, je veux dire. Sauf la mauvaise. Enfin, quand c'est envahi, alors. Hein, parce que quand il faut les désherber dans la marche, ça, c'est du boulot. Et les gens se découragent. Donc, il faut plutôt attendre, hein, commencer. Je vais mettre là, la marche là. Et là, je vais, chaque fois, toutes les semaines, je vais aller passer dedans, remuer pour que la mauvaise. Et puis alors, ça marche. Donc, on ne doit pas semer sur une ligne, alors. On peut semer, alors, des parcs. Hein, Alors, quelque chose qui est nouveau, enfin nouveau, c'est pas nouveau, c'est plutôt le contraire. J'ai reçu tout un cadeau, 5 gros livres comme ça, de 1870 à 1890. Donc des vieux livres de jardinage, de société horticole belge et tout ça. Oh, ah ouais, donc je m'amuse à lire ça quand j'ai un trou quelque part. Là, Et j'ai trouvé là-dedans tout plein d'astuces, donc c'était avant l'ère des engrais chimiques et des pesticides et de tout le bazar. Et donc on retrouve tout plein de trucs et tout plein, mais aussi des trucs de culture qu'on a complètement oubliés. C'est-à-dire les petits pois. Donc les petits pois, ça va très tôt au printemps, les petits pois ne supportent pas la chaleur, mais de nouveau maintenant bien, on peut refaire de nouveau des petits pois nains maintenant, pour récolter en fin d'automne, début de l'hiver. Donc il y a de nouveau là, une saison favorable pour les petits pois. Donc ça, je n'ai pas essayé encore. Donc c'est quelque chose que je dis sous les aides, mais qui est là. Ils faisaient à ce temps-là, ils n'étaient pas cons. Hein, donc, ben, je suppose. Bon. Il y avait des cons de ce temps-là aussi, sûrement. Hein, mais, je ne peux pas le savoir. Hein. Pas pour la bouffe. Hein. Donc les petits pois nains. Peut-être avec les autres, mais je suppose que c'est les petits pois nains. Ils parlent là de petits pois nains, parce que ça va plus vite que les petits pois arames. Tu vois. Hein, donc il faut choisir alors des... voilà, celui qui veut faire l'essai, des petits pois nains, là, maintenant, là, ils vont nouveau. Parce que, sinon, en forte chaleur, les petits pois, ils ne poussent pas. Donc, voilà. Certaines années, ça marche. Moi, j'ai déjà essayé. Et d'autres pas. Quand on a une année sèche, ça ne marche pas très bien. Ah, ouais. Quand on a une année, comme pour l'instant, là, qui pleut tous les semaines, tous les 15 jours. Tout juste quand il faut. Bon, ben voilà. Faut peut-être encore attendre un mois. Mais on ne sait pas ce qu'il va faire dans un mois. Ouais. Non, mais il faut peut-être attendre. Trop chaud pour lui, pour démarrer. Je ne pense pas qu'il faut attendre après. Mais ouais, c'est maintenant qu'il faut attendre. Et donc, les enterrer de 5 cm. Donc, c'est là qu'il faut enterrer les graines. Généralement, les graines, c'est maximum 1 cm. Hein. Même, c'est mieux à 2 cm quand on fait les graines. À 2 cm, pas plus. Pas plus, hein, pas enterrer plus. C'est mieux à fleur de terre, juste couvert. Hein. Mais les petits pois, les haricots, bien. Et par exemple, les petits pois, maintenant, 5 cm. Donc, il fait encore bon, il fait chaud. Donc, 5 cm de plomb. Ben, 5 cm, c'est ça, c'est pas beaucoup. Donc, il faut faire une petite tranchée et puis les mettre. Et, puis, et donc, le temps qu'ils gèlent, ils vont sortir. Les températures, ils vont être normalement calmées. Donc, un peu, voilà. Donc, ça. Mais j'ai dit, je n'ai pas l'essayer moi-même. Alors, là, donc, il y a les petits pois nains à écosser, et les petits pois nains mangent tout. Donc, ça devrait aller encore mieux, normalement. Parce que la gousse est là avant de faire les graines. Donc là, il y a plus de chances de réussite encore. Donc, dans les petits pois nains, mangent tout. Voilà. Oh, ça va être tout juste quand même. Il va arriver quand même à... Alors maintenant, après le 15 août, donc on était là dans les semis de... Donc, après le 15 août, première chose, les épinards. Alors les épinards, pourquoi ? Parce que c'est un légume universel. Universel, ça veut dire en permaculture universelle, on peut bouffer ou pas bouffer. On en bouffe quand ils sont là, mais ça peut aussi servir d'engrais vert. Donc c'est... C'est un truc donc sur les bords. Mais il y a une jardinière allemande qui s'appelait Gertrude Frank qui avait basé sa méthode de jardinage là-dessus. À côté de chaque légume qu'elle mettait une rangée, elle mettait une rangée d'épinards. Donc entre tous ces légumes, donc, c'était les cultures associées et entre deux. Ah, mais il faut savoir que les températures sont quand même plus basses en Allemagne qu'ici. Et quand la température dépasse 20 degrés, les épinards, ils ne poussent plus. Donc, par ici, ça ne va pas toute l'année. Mais ça va je vais dire au printemps, et à partir de maintenant, si toutes les chaleurs sont parties, c'est pour ça que je dis, pas après le 15 août, pas avant, même plus tard, et alors ça va germer, ça va monter. Donc, on les mange, toutes les variétés sont bonnes, mais il y a une variété que je recommande surtout, c'est la variété ancienne, très ancienne, les épinards à graines piquantes. Donc jusque maintenant, qui ne connaissent pas de maladies, pas de prédateurs, rien du tout, c'est très très vieux, ça revient de Chine, on ne connaissait plus ça avant. Par ici, on a remplacé les épinards à graines piquantes par des épinards à graines rondes, soi-disant supérieures, mais vraiment, c'est pas, parce que depuis qu'il y a les autres, mais ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on a ça, hein, les épinards à graines piquantes, là, c'est vraiment, les graines, ils sont vraiment piquantes, hein, c'est pas des boules, c'est des piquants, ils sont formidables. C'est des épinards en forme de lance. Ah, ça pousse à une vitesse formidable, c'est bon, c'est tout, c'est costaud. Il n'y a pas de maladie, rien, je ne sais pas pourquoi ça. À un moment donné, ça a disparu, mais maintenant, ça revient. Moi, j'ai les graines en Hollande, là, j'ai un gros fournisseur Hollande, qui justement achète la plupart de ses semences en Chine. Enfin, il fait produire ses chips en Chine, et on a tout plein de trucs, et maintenant, ça revient comme ça. Des légumes japonais, chinois, et ça, là-dedans. C'est épinards à graines piquantes. Donc, pour celui qui veut faire de l'engrais vert, ça coûte pas cher, c'est bon. Alors pourquoi je considère que c'est le meilleur engrais vert au monde qui existe, parce que ça, c'est le légume qui fait le plus de feuillage. Donc si on veut beaucoup de feuillage, c'est ça. Mais aussi dans le sol, ça fait une grosse racine, formidable, ça va jusqu'à 10 mètres de profondeur, donc la racine va jusqu'à 10 mètres, donc ça fait des kilomètres et des kilomètres, chaque plante fait des kilomètres de racine, et cette racine, elle devient molle. Donc elle reste pas dure comme des autres affaires qu'il faudrait détruire, hein, comme le trèfle d'autres, luzerne par exemple, ça fait des grosses racines. Après il faut les défaire, hein, ils ne défont pas eux-mêmes. Hein. Tandis que ça vient où? Donc tout ce réseau dans le sol devient, donc ça aère, il n'y a rien qui aère plus le sol et qui fait de l'engrais dans le sol sans rien faire. Donc c'est un engrais, je trouve qu'il faut utiliser beaucoup, formidable, bon à manger. Et en plus, comme on grévait, si on ne sait pas manger, voilà, on coupe les feuilles, on laisse. D'Angleterre, je pense. Épinards d'Amsterdam ou d'Angleterre, ça s'appelle. Épinards à graines piquantes. Et ils sont aussi dans les engrais verts, et ils sont dans les engrais, on dit. Mais alors, tous les autres engrais aussi, hein, chacun peut choisir. Tous les autres engrais, tous les autres épinards, je veux dire. Hein. Il y en a adapté à tout, chacun doit choisir. Hein. Mais je trouve que ça c'est vraiment, c'est une redécouverte, hein, ces épinards à graines piquantes, c'est formidable. Pas trop serré, hein. Parce que un épinard, c'est un seul épinard, c'est au moins 15 cm. Hein. Ça va occuper même plus. Hein. Donc souvent, on a la maladie dans les épinards parce qu'on sème trop serré. Alors ils ont l'oïdium, le blanc qu'on appelle. Mais c'est parce qu'ils manquent de lumière, ils sont trop serrés. Donc les épinards, il y a intérêt à semer très clair, hein, et pas à la volée. Généralement, les épinards, on fait... Et on jette comme ça, on s'en fait des tapis qu'on fait. Et puis ça vient malade parce que c'est trop serré. Et il n'y a pas besoin, je veux dire. Une plante tout seul, ça fait occupe 15 ou 20 ou 30 cm, ça fait des belles grandes plantes. Et surtout, au sorti de l'hiver, il y a des plantes qui viennent énormes, hein, d'épinards qui ont passé l'hiver. Donc l'épinard aussi ne gèle pas. Hein, pas du tout. Les moutardes, c'est aussi un bon engrais vert, mais ils gèlent. Hein, sauf l'année passée. Tous les fermiers étaient emmerdés parce que les moutardes, ils n'avaient pas. C'était la catastrophe. Ils ne savaient pas. Alors, je n'ai jamais compris ça. Ils avaient mis au point un herbicide spécial pour tuer la moutarde. Comme s'ils n'avaient pas de machine pour aller broyer, faire, etc. Non. Quelque chose de démon. C'est pour dire qu'ils ont perdu. C'était la catastrophe que comment, cette moutarde, elle avait pas gelé, qu'on avait eu un hiver trop. Alors que c'était une bénédiction. Incroyable. Ah ouais, ils l'auraient fauché. Ouais, ouais. Fauché, ils ont des machines à faucher pour l'herbe. Ouais. J'ai jamais compris les intelligents. Bazar, ouais. Mais il fallait une machine, ça coûtait avec les produits chimiques et les autres. Et sont subsidiés. Ils ont pulvérisé la moutarde en fleurs. Ils ont tué la plupart des abeilles. Ouais. Et alors, il y a eu un gros problème avec la région wallonne qui leur a dit, vous avez vos mesures contre les abeilles et vous laissez les faire. Ouais. Mais on a essayé, je pense qu'il y a eu une motion d'un syndicat des agriculteurs, quelque chose comme ça, qui disait, laissez comme ça, ça se peut qu'on ait des subsides, comme on pouvait avoir des intempéries. Des subventions. Je ne sais pas s'ils ont été rétribués. C'était comme une calamité. Enfin, le problème, c'était aberrant. alors que c'était un bienfait formidable, cette moutarde avait passé tout l'hiver. Ça faisait des masses végétales formidables. C'est pour ça qu'ils mettent la moutarde, d'ailleurs, pour avoir de l'enrhumé. Ils ont des machines pour faucher, pour broyer, pour faire. J'ai jamais compris le c'était un drôle de truc. J'ai jamais compris très bien le problème. Voilà. Donc les moutardes... Ils sont tous perdus, les fermiers. Entre-temps, il faudra dire comment. La moutarde, c'est un crucifère. Donc c'est la famille des choux, des navets, tout ça. Mais on sait maintenant, avant on disait pas de moutarde là où il y a des choux, il y a la hernie du chou, la maladie qui provoque la hernie du chou. Et maintenant pas. Quand on met de la moutarde, les sécrétions de la moutarde combattent la hernie du chou. Donc c'est curieux. Donc dans la même famille, je dis, il y a toujours des moutons noirs dans toutes les familles. voilà. Donc si vous savez plus cultiver des choux, de la famille des choux, hein, parce qu'ils ont le gros pied, hein, le machin, faut mettre, alors comment révère ici maintenant de la moutarde. Ça va assainir, ça va tuer. Voilà, il y a des choses contradictoires, parce que je me souviens bien, il y a 15-20 ans, je disais qu'il ne fallait pas mettre de la moutarde comme on grévait là où il y avait déjà ça. Et maintenant, non, ça se révèle le contraire. La moutarde est très favorable pour ne plus avoir l'ennemi pour combattre les autres. Donc, vous voyez, ça, c'est bien. Excusez-moi, alors, un maraîcher m'a dit qu'il plantait ses choux dans des semis de moutarde. Les papillons vont pondre sur la moutarde, qui a plus de goût que sur les choux. Ah, c'est possible aussi, oui. Mais en tout cas, la moutarde émet des sécrétions qui empêchent la hernie du chou. Donc en plus, peut-être ça, oui. Ah, en plus, ça, oui. Ça, c'est à essayer, ça. Oui, oui, oui. Ça, à essayer, oui. Alors, donc les épinards. Le cerfeuil. Le cerfeuil aussi. Hein. Après, je parle toujours d'après le 15 jours. Hein. Parce que épinards, cerfeuil aussi, quand les températures sont encore au-dessus de 20 degrés, ça ne germe pas bien. Hein. Donc, voilà. Alors, autre chose maintenant. À essayer. Non, mais pas essayer. Ça marche, je veux dire, mais c'est parce que souvent les gens ne le font pas. Les oignons hâtifs. Semis des oignons hâtifs entre le 15 août et le 15 septembre. Donc il faut regarder dans le catalogue les oignons hâtifs. On disait des oignons blancs. Mais ce n'est pas juste oignons blancs parce qu'il y a des rouges et il y a des jaunes. Et donc c'est plutôt oignons hâtifs. Donc c'est pour donc semer entre le 15 août et le 15 septembre. Directement en place sur le jardin. Assez clair. Pour récolter les oignons. L'année prochaine, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin. Donc c'est là qu'on a des oignons. Donc ça passe l'hiver, ça ne gèle pas. Et vous avez quand on voit sur les marchés, là, très tôt au mois d'avril, ben, des oignons en botte, là, vous savez, avec la verdure et tout. Ben, c'est ça. Donc au plus longtemps on laisse les oignons, au plus ils grossissent, comme les autres oignons, je dirais. Hein. Mais on peut manger tout jeune, avec la tige et avec l'oignon et tout. Et donc c'est maintenant qu'il faut. Non, enfin, pas maintenant. Entre le 15 août et le 15 septembre. Donc le semis des oignons hâtifs sur place. Ça, voilà. Alors, autre chose, les poireaux. Entre le 15 août et le 15 septembre, semer des poireaux. Alors ça s'appelle alors, pour l'année prochaine, à partir d'avril, et toute l'année, et c'était au Moyen-Âge qu'on avait découvert ce qu'ils faisaient au Moyen-Âge, ça s'appelait les porettes. Ils appelaient ça les porettes. C'est-à-dire des oignons, des poireaux, qui semaient maintenant, entre le 15 août et le 15 septembre. Donc, et l'année prochaine, au lieu de laisser grossir les poireaux, quand les poireaux sont là, ils les coupent à fil et à mesure toute l'année. Donc des poireaux pour faire la soupe. On appelle ça la porette. Donc ils ne laissent pas bon. Hein? On mange le vert. Le vert. Non, on laisse la racine. On laisse la racine. On coupe à ras du sol. On coupe à ras du sol la verdure et ça va repousser toute l'année avant de monter en graines. Comme maintenant, ça va monter en graines, mais on aura alors des porettes. C'est pour faire quelquefois une période où on n'a pas les poireaux. Hein, où les poireaux qu'on a, les gros poireaux sont montés en graines, il n'y a pas encore les autres, eh ben, il y a ces poirettes. C'est aussi pour les gens ben, qui veulent des poireaux. Ils vont avoir des poireaux, mais ils ne sont pas obligés de faire comme les poirettes, de couper tout ça, mais ils vont avoir des poireaux qui ne vont pas dépasser la taille d'un crayon, ça, la grosseur comme ça. Mais ils vont quand même avoir des poireaux très tard, après les autres poireaux. Alors, les carottes, les semis, entre le 15 août et le 15 septembre aussi, carottes, en pleine terre, ou bien en serre, parce qu'en serre ça va très bien, ou en couche, ou tout ça, les carottes, tout, demi-longues ou longues, les carottes longues ou demi-longues, pour récolte d'avril à juin l'année prochaine aussi. Donc les carottes ne gèlent pas, hein. Donc on peut faire en pleine terre. Alors l'ennemi des carottes, pour la pleine terre, je veux dire, c'est pas le froid, c'est les mulots. Hein. C'est les mulots, les compagnons. Ça adore, hein. Si vous avez des mulots, des compagnons, des machins. Donc là, C'est ça la nuit. Mais sinon, ça ne gèle pas. Et donc, vous avez des carottes fraîches. Donc, à partir de mars, avril, mai, vous avez des jeunes carottes. Et ce qui marche très bien, vous pouvez faire alors, entre le 15 août et le 15 septembre, si vous n'avez pas de place dans votre serre, que tout est encore rempli, en godet. Dans des godets, vous semez, je vais dire, bon, un quart de la boîte ici, par exemple, vous avez des godets, un quart de la boîte, vous semez 6 carottes, 6 graines, vous mettez 6 graines de carottes en godet. Et donc, ça tombe. Et puis, comme vous n'avez plus les tomates, les concombres, quand vous avez la place dans votre serre, vous allez repiquer, pas racinus, mais vous allez repiquer ça dans votre serre. Là, vous avez des carottes en février déjà, février-mars, dans la serre, elles sont délicieuses. Il n'y a pas d'ennemis, donc il n'y a pas de mouches, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'ennemis. Et la carotte a bien de pousser, même dans un milieu où il y a un peu moins de lumière, un milieu confiné comme l'hiver, ça marche bien. Ça fait plusieurs années qu'on essaie ça avec, dans des carottes très tôt au printemps, qui sont délicieuses. Voilà, donc, avec des demi-longues ou des longues. Voilà, celui qui a de la place. Mais, donc, on ne peut pas semer maintenant, la serre, elle est remplie maintenant. Mais en godet, et donc, pas racinu et repiqué, et ça marche très bien. Alors, dernier truc, on est au bout. Voilà, ça va être vite. Les choux. Alors ça, c'est surtout, mais enfin, c'est surtout pour les gens qui n'arrivent pas à avoir des choux, normalement, parce qu'ils ont toujours l'hernie, toujours malades et tout ça. Ah ben, on sème des choux hâtifs, mais ça peut être aussi pour avoir plus tôt. Les gens qui aiment bien d'avoir des choux, très tôt. Enfin, très tôt, ça veut dire à partir d'avril, avril, mai, juin. Alors, semer entre le 15 août et le 15 septembre, hein, donc, des choux hâtifs blancs, des choux hâtifs rouges, des choux hâtifs de Milan. Donc, dans toutes les catégories, donc de choux verts, choux de Milan, là, choux frisés, comme on appelle ça, ça dépend des régions. Hein, y a tout plein de noms pour ça. Hein, c'est les choux de Milan. Parce que choux verts frisés, y en a des rouges, il y en a des violets, donc c'est pas tout à fait. Donc, les choux frisés. Donc, dans les choux rouges, dans les choux blancs, il faut regarder les choux. Il est marqué dans le catalogue semis qu'on peut semer avant l'hiver pour les côtés. Et donc, il n'y a pas besoin de protection non plus. Hein. Dehors, les jeunes plants résistent au gel sans problème. Moi, je suis au bout. Ah ouais, bah, est-ce que je peux mettre des graines de thym ou ça va pas... Mon thym, il dépérit, là. Et je voudrais semer du thym, c'est le moment ouais. Les graines de thym ouais. Normalement, si ça graine maintenant, c'est le moment maintenant. Ouais. Bah, je sais pas, ça graine maintenant. Alors, ce qui se passe, dernier truc, après j'arrête. Enfin, il faut vous méfier. Il faut vous méfier quand vous achetez du thym. Quand vous achetez du thym dans le commerce, c'est toujours des plantes mâles. Et le thym, c'est des plantes mâles ou femelles. Donc les plantes sont soit mâles, soit femelles. Dans le commerce, on reproduit le thym par bouture. Les machins, par bouture. Comme les plantes mâles sont toujours plus costauds et plus vite, ils reproduisent toujours des boutures de plantes mâles. Donc vous avez des graines, mais vous mettez ça dans votre jardin, mais vous allez avoir des graines, mais ils sont toujours infertiles. Hein, c'est des plantes mâles. Donc vous n'allez jamais avoir, ils ne vont jamais se reproduire tout seuls. Donc pour avoir des plantes mâles et femelles, pour savoir le produit, il faut les deux. Hein. Donc c'est dit, oui. Donc il faut par semis. Donc il faut le produire par semis. Parce qu'à grande chance, dans le commerce, c'est toujours des plantes mâles. Donc après, ouais. Mais je peux les semer maintenant, hein? Les graines. C'est maintenant, ouais, c'est un bon moment. Ouais, je ne l'ai pas dit au juste, mais je pense que... Ouais. Je sais pas. Ouais. C'est maintenant que ça monte en graines. Il est marqué au printemps, là. Alors, on ne sait pas tout dire aujourd'hui. Si vous revenez les mois qui viennent, on va vous aider. Merci Gilbert. J'ai pas pris ma bosse à revue. Ah ouais, je l'ai oublié. Et oui, mais ça non.